Salut Zachros, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Juste un gamer. Testeur Alpha. Arcade Retro. Shadow QC. Joe. Pour le podcast des Zachros, nous sommes l'édition du 25 février 2014. On a, avant de vous demander comment ça va, on a un invité avec nous ce soir. Il va commencer à être pas mal populaire, surtout avec la prochaine vidéo qu'il est en train de nous préparer. Et ça va être probablement le roux le plus connu de la Terre, c'est Giz d'épée! Hey Giz! Allô! Bonjour, bonjour! Comment ça va? Ça va super bien, Giz. Écoute, on va commencer avec une petite entrevue avec toi parce que t'es en train de nous préparer quelque chose de gros, là. Ben oui, je suis en train de faire une grosse vidéo un peu comme celle de Donkey Kong, même principe. Sauf que cette fois, je vais faire le premier stage de Super Mario Bros. 1 et peut-être plus, parce que, à ma grande surprise, le Kickstarter va très bien. Donc, étant donné que j'ai busté ma limite, je me suis dit, ben, on va dépasser sous les bons conseils de mon ami Benoît Desacro qui m'a dit, ben, offre quelque chose de plus pour aller atteindre des paliers. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Puis en plus de ça, pour que ce soit encore plus une vidéo faite à la main. Même la musique va être faite à la bouche. Donc, on prendra pas les vrais sons du jeu. Je vais refaire la musique. Donc, entre-temps, d'ici la vraie vidéo, je vais sortir aussi des vidéos de musique. Donc, c'est ça. avec de la musique a cappella, finalement. Exactement. Et au début, tu demandais au backer de 300$. Exact. Pour fournir quoi? En fait, le 300$, c'était pour acheter les beads en question. Mm-hmm. Les petites billes, les petites billes comme ça. Ça va en prendre plus de 100 000 pour cette vidéo-là, même plusieurs centaines de milliers. que je place ensuite sur un petit board pour... on a un exemple de petit board que je suis en train de faire un Luigi qui est fait à peu près à 5%. Et oui, éventuellement, ça fait des formes un peu comme ça. On a un exemple de tuyau. Ou bien un exemple d'un Mario. Donc, ça va être très long, ça va être très le fun. Le défi, ça va être surtout par rapport à l'autre vidéo, de se promener dans l'axe des X. Mm-hmm. Et pas seulement quelque chose de fixe. Donc, il va falloir trouver une manière de faire avancer le background avec le reste. J'ai déjà ma petite idée. En fait, ça va bien aller. Ça va bien aller. Donc, selon toi, combien de temps ça va te prendre pour préparer cette vidéo-là, si, mettons, tu arrives à ton but ultime de 2000$? Donc, à 2000$, si je l'atteins, j'avais dit que j'ai dit que je ferais les 4 premiers stages, donc jusqu'au premier buzzer, sans prendre de warp zone. Mm-hmm. D'après moi, c'est difficile à dire, parce que je fais un peu ça, comment je peux dire... Peu importe ce que je suis en train de faire, là, je le fais pas avec vous, mais normalement, je suis en train d'écouter une émission, puis je suis en train de placer des billes en avant de mon ordinateur. Tu as fait ta journée de fête, c'est ça, t'es en train de dire. mais même quand je suis en train de jouer, par exemple, une partie de League of Legends, quand je meurs, je suis en train de respawn pendant 50 secondes, je place des billes sur mon petit board. Donc, tu sais, c'est sûr que faire ça à temps plein, c'est un peu inhumain, là. C'est un peu comme faire du travail à la chaîne chez GM, là. C'est juste répétitif. Je pense que la partie faire les billes, ça va me prendre moins d'une semaine pour faire toutes les sprites. Puis c'est la partie, quand on va filmer, prendre les photos, en fait, qui va être plus compliqué que là, je vais inviter 2 ou 3 amis pour qu'on bouge vraiment les personnages. Donc, chacun va être en charge d'un des personnages. Puis là, je vais dire, mettons, je vais avancer d'un frame, je vais dire, OK, Mario, telle position, un pixel vers la droite, un pixel vers le haut, le background, un pixel vers l'arrière, puis là, on va falloir dealer avec tout ça. Cette partie-là, on va pouvoir en prendre une autre semaine facilement. Étant donné qu'il y a des délais toujours, parce que je suis toujours trop positif, d'après moi, un mois, ça devrait être fait. Et qu'est-ce que tu donnes comme produit si on réussit à te backer ton Kickstarter? J'ai commencé en vendant des trucs de la vidéo, comme par exemple les Mario. Donc, toutes les positions de Mario qui vont courir, ont déjà tout vendu, donc j'étais super content, ça a super bien été. Sinon, ça c'est une partie qui fera pas partie de la vidéo, mais que je me sers pour financer. Donc une paire de Mario avec un aimant à l'arrière pour mettre sur le frigo. Donc ça c'est le perk à date qui va le mieux, qui s'est le mieux vendu. Donc pour 20$ pour encourager ma vidéo, vous avez 2 Mario shipping inclus. Sinon il y a l'équivalent avec un Goomba et un Koopa. J'ai pas encore de Koopa en exemple, parce que je m'étais trompé de couleur. ensuite de ça, j'ai mon t-shirt que je vends normalement quand je suis en convention ou des trucs comme ça, de Proud to be a low life avec www.guizdp.com. Lui, je le vends à 25$ avec le shipping inclus. Bon, c'est sûr que si vous voulez m'encourager, vendre en personne, on peut s'arranger puis je vous le donne en main propre. Ça va être plus simple. Il est très sympathique en passant. Merci beaucoup. ensuite de ça, c'est sûr que pour 1$, je vais mettre le nom à la fin du générique pour remercier la personne d'avoir contribué. Sinon, pour 6$, je vais donner un coin, donc un sou de la vidéo. Dans ce cas-ci, vu que j'ai déjà dépassé le nombre qu'il va avoir dans la vidéo, la scène peut ne pas faire partie de la vidéo. Donc, ça va être au hasard selon quand je vais poster ça. Je vais les distribuer au hasard. Si elle faisait effectivement partie de la vidéo, je vais écrire derrière où est-ce qu'elle était, puis avec un numéro de série, juste à la main, très, très, très... Tu vas écrire le temps ou à l'image près, et où apparaît cette scène. Ouais, exactement. Comme je vais prendre une photo et je vais dire, bon, ça c'était la scène 1, 2, 3, 4, 5. C'est, en fait, les scènes, ils vont être toutes utilisées en même temps à un seul endroit. Puis ça va être quand Mario rentre dans le tuyau, dans le premier monde, puis qu'il se ramasse pour aller chercher toutes les scènes dans le premier monde. Donc c'est à ce moment-là qu'on va toutes les voir. Fait que ça va être ça l'image des références pour savoir ce qu'ils sont. Puis ensuite de tout ça, j'avais mis la scène de la fin. Je m'étais dit que ça n'avait pas d'allure, que j'allais mettre ça à 100$ puis personne n'allait l'acheter. Puis au moment que j'ai cliqué go sur mon Kickstarter, il y a une personne qui l'a acheté et 3 personnes qui sont pleines qui étaient déjà vendues. J'étais super content. Donc à 100$, je donnais le château de la fin avec la flagpole avec Mario sur la pole, wow. Avec le gros escalier, avec tout le décor pour le mettre sur son mur. Excluant le carton bleu, parce que ça, c'est un peu plus difficile à acheter. Donc, rendu là, vous allez dans votre Dollarama de près de chez vous et acheter vos propres cartons. Ensuite de ça, puisque j'avais dépassé mon 300$, j'ai rajouté des perks, dont la scène finale, parce que je me suis dit, bon, faut que j'aille une affaire que je vends pas, là, parce qu'il n'y a pas d'allure. Donc, j'ai mis la scène finale avec Bowser, la hache, le pont, tout le décor du monde 1-4 avec Mario qui est en train de passer par-dessus Bowser. Ça, je l'ai mis en vente à 500$. Je vais pas mal baisser vers la fin, mais c'est juste pour avoir justement quelque chose qui a pas d'allure, qui se vend pas, comme dans toutes les Kickstarter. Donc, en gros, c'est ça pour le financement. Puis comment tu trouves en ce moment utiliser la plateforme Kickstarter? C'est ma première expérience. À date, ça va très bien, à part une personne qui m'a pledgé 1$ en me disant « I'm giving you $1 ». Mais en échange, tu dois changer la photo de dégueulasse de profil. Hein? Ouais, je t'as un troll. Il y a un gars qui a payé 1$ pour te troller, c'est ça que t'es en train de dire? Ben, je le remercie, on le salue d'ailleurs. Salut. Le troll. C'est son problème, rendu là. Alors, ben, j'ai répondu poliment. Hein, j'ai dit, je suis I'm open to suggestion. Genre, qu'est-ce que tu suggères que je mette à la place? Tu sais, c'est ma face avec 3 bonhommes en train de faire une de mes 2 faces que je peux faire. Là. C'est soit celle-là ou celle-là. J'ai pas d'autre face. Puis, le piste qui peut dire à la fin, « j'enlève mon dollar pour telle raison X. » Je pense pas qu'il peut l'enlever, son dollar. Oui, il peut. Ouais. J'ai été capable d'enlever une fois parce qu'à un moment donné, je trouvais que le gars, il avait de l'air comme trop parti dans son monde de délai. Donc, oui, c'est possible. Tu dois écrire une raison pourquoi tu enlèves pourquoi tu l'enlèves, mais sinon, tu peux l'enlever quand même. On a un fan qui nous dit, j'aurais aimé ça pouvoir y participer, mais ça veut dire que Kickstarter n'utilise pas PayPal. Est-ce que tu as une solution pour le monde qui veut essayer de te financer d'une autre façon? C'est sûr que si c'est juste ça le problème, je peux le faire par PayPal, puis je vais le retirer, puis je vais le faire manuellement. C'est vraiment pas un problème. S'il y en a qui veulent acheter des parties du vidéo, puis ils voient qu'il y a un des perks qui est là, je donnerai mon PayPal personnel, puis je le retirerai, je dirai qu'il est plus disponible. C'est vraiment pas un problème. Donc oui, c'est possible, juste me contacter via les internets. C'est pas facile à trouver, je m'appelle GizDP partout, que ce soit sur League of Legends, sur Skype, sur Facebook, c'est juste GizBP. J'aime trop. Le jeu c'est sérieux. Ou sur le jeu c'est sérieux. Ou datageek.com. Ça, t'es pas supposé en parler. C'est... Puis le vrai nom, c'est geek2geek.com, ouais. Ah, d'accord, d'accord. Je m'en sers pas. Ça fait trop longtemps que j'étais avec ma fiancée. Moi, je m'en sers pas non plus. Ah! Je t'aimerais pas, petit gars. Ah, je me suis juste inscrit pour voir. Est-ce que vous avez des questions à poser à Giz par rapport à cette situation, à part à ce nouveau projet? Ben non, mais sauf que moi j'ai vu la nouvelle sur NintendoLife.com et j'ai fait hey, le gagné lui! Sur NintendoLife.com? Ouais. C'est un site d'Angleterre qui couvre toute la vie de Nintendo. Là. C'est pour ça que ça s'appelle Nintendo Life. C'est bien cool, ils sont bien fins. on les salue. On les salue, je suis pas sûr qu'ils nous écoutent, mais on les salue pareil. Sûrement. S'ils ont vu mon Kickstarter, ils écoutent sûrement le podcast. Ah ben oui, tout à fait. Ils comprennent de quoi? I don't understand the fuck they're saying. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, je vais aller voir dans le chat s'il y en a pour Giz. Ok, il y a quelqu'un qui nous demande si ça existe un jeu de NES de My Little Pony. Non, malheureusement. Mais par contre, j'en ai un qui ressemble beaucoup au Genesis à ta minute. Ouais, il y en a un au Genesis, hein, ou quelque chose qui ressemble. Ouais, t'as raison. Ça, j'ai lu. Oh yeah! Ouais, c'est ça. C'est le plus proche de My Little Pony que j'ai dans le jeu rétro. Ouf. Mais ça doit être le fait de l'acheter. T'as payé ça combien? Mais attends, en plus, là, il n'est plus dedans, mais ça venait avec de la gomme. Une espèce de gomme roulée, là. Oh non. Ouais, puis je pense que ça sent encore le chewing-gum. Ah ben oui. Hey, la chewing gum est encore là. En fait, j'ai pris ça dans un pawn shop, puis le gars me dit, le gars du pawn shop, ah oh oui, on avait genre 10 copies pas ouvertes, mais on les a ouvertes parce qu'il y avait du chewing gum dedans. Wow! Pas des lumières, hein, je vous le dis tout de suite. Quand ils connaissent pas ça. Là. Ben oui. Ça fait quoi qu'on l'aille ouvert? C'est pour jouer les jeux? Ouais, il y a une maladie mentale, je t'expliquerai. On a également le gars qui nous dit, Ethan Wolfcat, qui nous dit qu'il va te contacter Giz par rapport à ça. Et j'aimerais lancer un défi à tous ceux qui nous écoutent pour Giz. Si vous aimez sa vidéo de Donkey Kong, allez au moins donner 1$ au Kickstarter de Giz pour lui montrer votre soutien. Et Giz va s'en rappeler pas mal, je vous dirais. C'est quand même un très beau projet qu'il est en train de nous préparer. Moi et Marie, on a déjà aidé Giz. On a déjà acheté 2 t-shirts. Oui. Même si on les a les 2 encore. Donc, je vais commencer à avoir une petite collection de t-shirts. Vous allez être comme moi, vous allez mettre le même t-shirt tous les jours. Là, je me suis forcé, je me suis dit, je peux pas encore mettre mon t-shirt. Ça fait trop, je l'ai mis un autre. Ouais, mais... Je me suis retenu aujourd'hui, hein, parce qu'on a reçu aujourd'hui les t-shirts des accros des jeux. Nice! Le tout nouveau modèle. Oh, magnifique. Il est magnifique. Donc, mettons que c'est un... comment vous dire? Je me suis retenu pour pas porter le mien tout de suite. Mais je vais le faire demain à la job. Donc, si jamais vous voulez un t-shirt, ils sont disponibles sur le site des accros des jeux, dans la section boutique. On entend ça des nouveaux, là. Avec ta face, je pense que je vais faire peur à des fans, par exemple. Faudrait pogner celle à arcade que présentement, là. Faudrait mettre celle-là sur le t-shirt. Après ça, on va faire qu'il y ait au podcast avec ta face-là tout le temps. Ouais, avec un face paint différent. Arcade Retro runs wild, brother. So what you gonna do when Arcade Retro runs wild? You, brother. Brother. Giz, est-ce que tu restes avec nous? Ouais, je vais rester encore un petit peu. En fait, je suis en train de répondre aux commentaires. Ah, c'est pas de problème. J'aime tellement ça. Au pire, tu peux rester jusqu'à après les nouvelles. On va parler des Power Rangers. Ah, mon Dieu, ok, je reste. Comment oses-tu? Hey, moi, quand il y a eu les Olympiades au secondaire, ma tante m'avait fait un costume de Jason. J'étais tellement fier d'aller au régionaux d'athlétisme déguisé en Power Ranger pour faire mes courses. J'étais bien fier. Ok, Power Ranger. Nice. J'ai fait le 120 sprint avec le saut pas le casque, là, mais... Est-ce que le monde a couru après toi, ou... C'était le fun, rendu en finale, il y avait 7 noirs, puis moi. Ben, je courais vite, pareil. Je te crois. qu'est-ce que vous avez joué ces derniers temps, gang? Je vais commencer avec Arcade. Est-ce que tu as eu le temps de jouer un petit peu cette semaine? Oui, j'ai joué à... Comment ça s'appelle? Toy Soldier, le petit jeu qui est gratos au 360. Puis j'avais déjà joué au premier, fait que là, dans le fond, j'avais pas joué à celui-là. Fait que ça m'a donné l'opportunité de jouer. C'est super le fun. Genre, un petit simili Tower Defense, un petit peu, tu peux jouer à deux. Fait que c'est bien le fun. J'ai essayé le premier niveau aussi de Wolf Among Us, que ça faisait un bout que j'avais pas essayé, que je voulais essayer. J'avais été fan de Walking Dead. Puis je suis bloqué à un boss dans Banner Saga. Fait que il y aura jamais de review parce que j'ai jamais fini. Et Joe, de ton côté, as-tu eu le temps de jouer un petit peu? Ouais, mais mon bord, j'ai commencé à jouer à 99 Levels to Hell, un petit jeu de plateforme sur Steam qui est sorti il y a pas trop longtemps. Une espèce de Spelunky, mais avec des fantômes puis l'enfer, c'est spécial. Sinon, j'ai joué à Serena, qui était un jeu d'horreur psychologique gratuit sur Steam. Intéressant. Sinon, j'ai rejoué à des vieux jeux que j'avais laissés de côté. Sang froid, Risk of Rain, Rogue Legacy encore. Donc, ouais, ça ressemble pas mal à ça pour moi la semaine passée. J'ai une question pour toi, Joe. Yes, sir. T'as-tu une vie? Ouais, ben j'ai pas de blonde, fait que je m'occupe comme que je peux. Ah, d'accord. Je comprends. J'en profite. Ah, tu t'aises de ton côté? Écoute, malgré la maladie, j'ai pu me ressourcer grâce à Metal Gear Rising Blood Rain Betrayals, mon dieu. Le side scroller de Blood Rain. Le side scroller que toi-même, Ben, tu m'as fait découvrir. Oui, je l'avais dans le temps quand j'étais abonné au PlayStation Plus. C'est ça, ben là, je l'ai... C'était en fonction de mes deux jeux, vu que j'étais trop faible pour même jouer à quoi que ce soit d'autre. Là. C'était même un effort de jouer à ces jeux-là. Mais c'est fun. Repose-toi, mon ami. Ouais. Shadow de ton côté. J'ai découvert le jeu Banish, qui est devenu assez populaire ces temps-ci, que beaucoup de YouTubers font. Je me suis mis aussi sur Hammer 3 avec un petit clan. On avait fait justement une vidéo qui est sur ma chaîne présentement. Pour ceux que ça intéresse, on avait fait une mission, puis ça avait vraiment... ça a été assez le fun. Ah bon. OK. C'est loin de ton côté. Moi, j'ai pas eu le temps de jouer, mais samedi, je suis allé au Maid Café pour le Nelgicon, qui était sur le campus de l'Université Laval, et puis je trouvais ça très intéressant. Il y a beaucoup de cosplayers, et puis on avait un petit menu style manga, anime, truc, machin. Puis, j'ai joué une game de Soul Calibur 4 ou 5, je pense, avec Luduc, fait que je vais vous montrer ça mercredi. Nice, soyez présents sur le site des accros. Regardez ça. Alpha, de ton côté? Mon temps est assez limité ces temps-ci, fait que j'ai à peine joué à Hearthstone, puis le reste de mon temps est passé dans mon test de jeu de marde à venir, fait que, bref, je me suis pas amusé pendant tout. On sait que le travail de concierge est extrêmement difficile pour toi, alors comprend. Oui. Giz, après avoir entendu plein de noms de jeux récents que tu connais pas pendant tout, qu'est-ce que tu joues, toi? Moi, je joue à League of Legends. Je suis toujours au niveau 30. J'étais Silver 4, mais là, je suis descendu des bronzes parce qu'il y a toujours un FK dans mon équipe. Puis sinon, moi, je passe demain à une émission à Télé-Québec sur le rétro gaming à 8h. Ils sont venus filmer chez nous. Fait que ils m'ont dit que c'était une bonne idée de m'habiller en Mario pour jouer sur ma borne d'arcade déguisée en Mario. Et moi, j'ai fait. T'as pas peur que ça fasse comme les reportages en France là qui vont faire cet homme a un problème de santé mentale, il joue à des jeux vidéo. Hey, sérieux, ça serait malade. Pas chier. Mais non, je joue beaucoup à League of Legends, c'est vraiment un bon jeu addictif. Ouais. Je vous le recommande pas. Et de mon côté, je me suis tapé une... Ben, je vais continuer ma game dans Zelda Wind Waker HD sur Wii U. Et sinon, j'ai joué beaucoup à Hearthstone. Là, j'ai eu des demandes de Shadow et de Alpha pour... non, pas Alpha, mais il m'a pas encore challengé. Mais Shadow, il veut me challenger une fois. Fait que, faut que je me prépare. Et je suis retombé en enfer de la drogue. Oh my god! Laquelle? Je suis retombé accro à World of Warcraft. Ok, non. Moi je m'en vais au podcast, fuck off, salut! C'est humiliant, hein? Non, c'est une passe temporaire. Ah ouais, votre déguise en alliance. On dit tout ça! Hey, j'ai pas retouché depuis le mois de mai. Ouais, ben c'est ça des rechutes, hein? Ouais. Je sais c'est quoi, j'ai arrêté de jouer à League of Legends, ça fait à peu près 6 mois que je suis en sevrage. À la maison, j'en la pointe, hein, si tu veux. Fait que tu viens pas jouer au nouveau mode Hexakill avec nous autres ce soir? C'est pas juste, moi aussi j'avais arrêté, là, puis là tu me parles que le nouveau mode. Mais là t'es 6 contre 6, là, on y va-tu avec deux top un jungler ou avec deux junglers, tu sais, Je continue à checker les matchs de pro, puis en effet, ils font deux junglers. C'est quelque chose. Là, tu te bats pour les buffs, puis ah ouais. C'est incroyable. Je peux-tu avoir un dictionnaire traduction de League of Legends? Non. Hey, pour une fois qu'on parle d'un jeu récent, puis je comprends. Là. ben bon, c'est pas grave. On te pardonne, Giz. Fait qu'on en a-tu des nouvelles? Ben, pareil, tu me pardonnes, moi, je vais finalement vous quitter. Je vais aller sombrer dans l'alcool et le party. On vient de me texter pour me dire « Hey, t'es où? » Fait que... Bon, ben, écoute, avant de quitter, Giz, on te souhaite la bonne chance pour la grosse merde pour ton Kickstarter. Y a-tu des moyens de pouvoir te contacter? Ben oui, comme je disais tantôt, vous pouvez me contacter sur ma chaîne YouTube GizDP ou sur la chaîne de Le Jeu, c'est sérieux. Sinon, vous pouvez me contacter via Twitter, twitter.com/gizdp ou jeu sérieux sur Twitter. Puis c'est pas mal à suivre, vous allez me trouver. Bon, ben merci beaucoup, Giz. Alors, on se reparle une prochaine fois. Probablement qu'on va t'inviter pour le résultat final de ta vidéo. Alors, dans un mois à peu près, on va t'inviter. Yes! Avec All plaisir, right. Benoît. Ok. Excellent, les macros. Bonne émission. Bonne soirée. Salut, Giz. Bon, on embarque-tu avec les nouvelles? Ben oui. Ok. On va commencer. Alors, en ce moment, il y a une promotion qui se passe en ce moment avec Nintendo. Si vous voulez être détenteur d'une 3DS prochainement, ben vous allez peut-être avoir la chance d'aller vous chercher Pokémon X ou Pokémon Y. En ce moment, l'offre est offerte sur le club Nintendo sur le site nord-américain. Donc, si par exemple vous achetez une 3DS avec un jeu comme Mario Kart 7, Super Mario 3D Land, Animal Crossing, Donkey Kong Country Return, Lego City Undercover ou Yoshi New Island, vous allez recevoir une clé pour pouvoir télécharger le jeu Pokémon X ou Pokémon Y. Ah, c'est bon ça? T'as un petit bon deal. J'avoue. Ça vaut la peine. Alors, si vous n'êtes pas encore détenteur d'une 3DS, c'est peut-être le bon moment d'aller vous en chercher une. Autre nouvelle. De mon côté, une dispute concernant Duke Nukem. Oh mon dieu. Pourquoi il va encore en sortir un autre là? Bon, vous savez. Dans 15 ans, oui. Plus ou moins ça. Bon, vous savez que Gearbox a acheté la licence Duke Nukem Forever suite à l'interminable temps de développement que 3D Realms ont pris pour créer Duke Nukem Forever. Oh. Et qui ont essayé d'arranger le jeu du mieux qu'ils pouvaient. Ouais, ça sort. Hein? Ouais. Quasiment saboté. Ah, ben, il était mauvais. Ouais. Il était vraiment mauvais. Ben, ils ont fait. Sinon, le jeu était perdu à jamais. Fait que, je préférais avoir ça puis me dire que c'était peut-être moyen que de. Non. Tu parlais de pas avoir de jeu puis faire que le running gag, il était encore. Non, je le voulais. Sortir un jour, ça ne sortira jamais. Je le voulais. Ils étaient rendus trop loin, je pense, pour ne pas le sortir. Parce que eux, quand ils l'ont acheté Gearbox, c'est un méchant bon deal. Fait que qu'ils pognent moyen ou qu'ils pognent pas pour ce qu'ils ont payé, là. Mm-hmm. À la limite, s'en foutait. Là. Ouais, non, ouais mais ça risque un peu de se mettre à dos certains fans qui risquent que s'ils en sortent un autre, ils risquent d'être assez méfiants. Ouais, non, mais il y a tout le temps, de toute façon. Combien de sequels aux poches qui sont sortis, puis on a toujours acheté le troisième, tu sais. Ah, pour toi. Ah! Moi, je l'ai fait. Ah, oh, c'est ça. Combien de films poches qui sortent de sequels, puis dans le fond, on va voir le troisième, ou le reboot, ou le prequel, ou le l'alternate, je sais pas trop quoi, là. Fait qu'on... L'alternate beginning, ouais. Alternate quelque chose, fait qu'il y a tout le temps un autre affaire, là. Oui, Chuck et moi, là, on est tombé victime de ça souvent pour les films de Resident Evil. Malheureusement. On espère tout le temps que ça va être meilleur à chaque fois, c'est pour et ça. Et non. Ouf. Faut pas espérer pour les films de Resident Evil. Faut pas espérer. C'est comme espérer pour d'avoir un bon film de UA Ball. Comme si UA Ball serait capable de faire un bon film une fois dans sa vie. Je suis méchant avec, hein? Même Ed Wood, il se cache dans sa tombe 5-10 fois, sachant que Huey Ball existe. Ben, je sais, Wood, moi, il y a un film que j'aimerais m'emmener, là, parlant de ça, là. The Room. J'ai jamais écouté ça de ma vie. Ça date que c'est tellement mauvais que c'en est bon. Oh non, pas lui. Pas non, pas ça. Lequel, ça? The Room. The Room. Avec, comment il s'appelle? Tommy Wiseau. C'est parce que j'ai running... Alliage, M.O. Douchebag, numéro 36000, ouais. Qui fait riche de papa. Mais il sauve dans la vie! C'est parce que j'ai running gag contre moi à cause de ce film-là, là. Attends, comment ça? Il y en a... Non. Comment... Le I-Mark, là, je sais pas si tu te rappelles un peu de ça, là. On m'a assis... I-Mark! Exactement! On m'a niaisé pendant au moins un an avec ça. I'm fed up with this world. I'm fed up. Everybody's against me. Everybody. Oh, I'm Mark. Oh, my God. J'ai coupé Tommy Wiseau parce qu'il était prêt de violer le sens de l'art du cinéma par derrière et par en avant en même temps. Allez voir Nostalgia Critique pour sa description de ça. Vous allez rire. Honnêtement, Obscurus Lupa l'avait mieux, mais ça, c'est juste mon opinion. En passant, sur IMDb, il y a comme 3.4 sur 10. Tabarnak, il y a déjà beaucoup, je trouve. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup. C'est un anti-film! Oh my God. C'est un film qui n'a aucune raison d'être. Il y a plein de films qui ne devraient pas être présents. Ben, quand tu dis que tu écoutes les deux premières minutes, puis tu penses que c'est une parodie de la façon que le gars y joue... T'es sérieux? Oui, tu penses une parodie, il part au départ, pis t'es comme, non, c'est le même. Non. juste pour revenir à Duke Nukem, la compagnie 3D Realms ont sorti un site internet qui annoncerait un nouveau jeu de Duke Nukem, sauf qu'ils ont plus les droits. Fait que il y a une plainte qui est déposée par la compagnie Gearbox pour dire comme quoi que vous allez vous retirer ça. Mais ils seront pas excusés? Pas encore. Il me semble que j'avais lu qu'ils l'avaient enlevé, ils avaient enlevé le site, c'était excusé, Gearbox avait accepté les excuses. Ouais, c'est ça, ils se sont excusés, Gearbox les a acceptés, mais le lawsuit est encore en train d'avoir lieu, puis on sait pas pourquoi elle a encore lieu. Ben, je pense qu'il disait que tout ce qui était propriété à Duke Nukem qu'il allait faire, fallait que ça passe par Gearbox. Ouais. Comme c'est ça. Là, il va acheter les droits complets, finalement. Là. Il veut, ben, il, comme il essaye, on dirait qu'il essaye encore de dire on est quand même des propriétaires puis des créateurs. C'est comme quand tu viens de vendre ce que t'as, là, tu t'entends, tu ne vas pas essayer de le rechercher en le volant, tu sais. Ben, on sait pas, mais ils ont vendu vraiment la licence au complet, là. Ils ont tout vendu. Parce que des fois, il y a certaines compagnies qui gardent des droits, un peu, des certains petits droits dessus, là, mais... Mm-hmm. Mais l'équipe a pas été bougée à un autre jeu, c'est ça, il me semble. C'est ça, je cherche le nom de jeu. En ce moment, je vois pas cette nouvelle-là, par exemple. Ben, les gars, je veux dire, qui travaillaient sur Duke Nukem, quand ça a été vendu, il me semble, ils ont passé à un autre jeu, je m'en souviens plus c'est quoi, là. Fait que là, c'est bizarre qu'ils reviennent à un autre Duke Nukem, là. J'en ai aucune idée. Mais peut-être que t'es tassé aussi. Ça se peut. Ça se peut fort bien. Autre nouvelle? Pensez-vous être capable de finir Mario Bros 1 avec 500 points? Non. C'est quoi, c'est pas beaucoup ces 500 points? C'est trop peu. C'est... Ouais. Combien de points si tu tournes sur un Goomba? Non, faut pour l'avoir, faut pas que tu tues rien puis tu pognes rien. Il va pas le rendre à la dernière seconde parce que ton temps, il donne des points exact. Aussi. Exact. Ouais. Est-ce que tu joues pas au jeu d'abord? Eh bien, il y a un gars qui a réussi à faire l'exploit à faire le tour de Super Mario Bros. Avec seulement 500 points. En combien de temps? J'ai pas vu le temps qu'il a utilisé pour faire la vidéo. Okay. Mais c'est un record personnel qui du plus bas niveau de dans Super Mario Bros. Il dit que c'est pas possible d'aller en bas de 500 points pour réussir à le jeu. Si vous voulez aller voir sur YouTube, sa chaîne c'est Not Entirely Sure. Oh, ça vaut la peine. On passe des speedruns au plus de points, au moins de points à cette heure. Ouais. Écoute, c'est innovateur. Ben oui. La base de joueurs et de jeux vidéo, c'est de pouvoir se. C'est, à défaut de pas trouver de compétition, c'est de trouver des défis soi-même. Tu sais. Ben oui. Au moins, il se motive. Dans un sens. Tu joues un jeu, tu essaies de te trouver des golds. Lui, il en a trouvé un que, comme pas personne n'a tenté de faire depuis... Achievement. C'est les achievements du Nintendo. Il n'y en a pas vraiment, je t'avoue. Non, mais... c'est inventé un, là. Ah, oh, oui. Mario Bros. 1 with less than 500 points. autre nouvelle. Diddy Kong qui a été annoncé pour Super Smash Bros. Yes. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le combien-tième, là? On est rendu à quoi? À 30 millions de personnages, là, d'annoncer? Ben, Diddy Kong, il était pas déjà là, lui? Non. T'avais Donkey Kong, t'avais pas Diddy Kong. Dans le Brawl, oui. Ouais, dans le Brawl, oui, mais là, ouais. Il est annoncé pour le nouveau, le prochain. Il le remet finalement, ok. Ouais. Ok, il pour celui-là, il repart de zéro, puis ok. C'est ça. Comme c'est là, ils ont pas encore annoncé Falcon. Je vais avoir mes Falcon Punch. Ça, ils pourront pas l'ôter, ils ont pas le droit. Ben, il n'est pas encore annoncé, fait que peut-être qu'il sera pas là. Ben, ils peuvent peut-être garder les personnages de base qui annonceront pas, qui sont déjà dedans aussi. Mais. Sinon, dans la même optique, là, il y a des rumeurs qui parcourent sur Internet. On a entendu parler peut-être de Geno puis de Marlo de Super Mario RPG. On sait pas encore que ça va être. On sait pas si ça va être un personnage, un modèle comme les figurines que tu peux collectionner dans le jeu, ou une capsule. Mais il y a des rumeurs comme de quoi qui vont être dedans. Ça serait fucking hot. Okay. Ouais, même juste en capsule, ça serait vraiment écœurant. Hmm. Effectivement. Nice. C'est pour ceux qui trippent WoW, donc moi en ce moment. Il y a un membre de l'équipe de WoW Insider qui aurait repris le coup pour avoir un personnage niveau 90. Avec la nouvelle extension. Donc, vous pourrez utiliser un service qui permettrait d'avoir un personnage qui tombe automatiquement niveau 90. Et ça vous coûterait 60$. C'est quand même moins cher que les trous de cul qui vendent ça sur eBay. Là. Ouais. Oh, mais même là, 60$. Tu commences par acheter 60$, c'est réglé. Ça sert à quoi de jouer? Non, mais le vrai jeu commence au maximum. Ouais, c'est ça. Là. Les raideurs, eux autres, là, le vrai jeu commence à la fin. Là. Fait que, tu sais, genre, ils se tuent à faire plein de levels, faire des quests, puis lire l'histoire juste parce qu'ils veulent faire jouer au vrai jeu. T'sais. Ah, mais mettons quelqu'un qui c'est son premier personnage. Il me semble que c'est le fun d'apprendre les rouages. Ouais. Pas juste l'acheter et dire. Cool, j'ai un bonhomme, je fais quoi avec toutes ces skills? Ouais, mais malheureusement, il y a plein de noobs qui achètent des personnages sur eBay, puis ça paraît dans les raids, ils savent pas quoi qu'ils font. Ouais, mais ça, c'est des enfants de riches là, qui achètent ça et qui payent 100$ de bonhomme. Oui. Mais malheureusement. Il faisait ça depuis le temps de Diablo 2, si c'est pas même avant. Ouais. Ben, c'est pas rien que là-dedans aussi, dans plein d'autres jeux, on a vu ça aussi. Écoutez, le plus cher que j'ai vu. C'est un bonhomme de Diablo 2 assez boosté. Les détails, je ne m'en rappelle plus. Ce que je me souviens, c'est que la personne a réussi à vendre son personnage pour 30 000$. Quoi? Malade. 30 000? Jure. 30 000. 30 000 pièces, voyons. C'est idiot. J'aurais aimé ça qu'il se fasse pogner, lui. Parce que c'est un peu illégal faire ça. Non, mais 30 000, ça me semble pas mal excessif, là. Au début, j'y suivais, puis il me semble que c'était... Les gros hots, là, c'était 2-3 000, là. 30 000, J'ai pas apporté, mais j'ai bel et bien vu, j'étais à Jobs. J'étais comme ça, j'ai dit, ouais, ça parle de 30 000 $. Je vois le profil, c'était pas 30 000 $. Ouais, voyons donc. Le facepalm of de la mort que t'as dû avoir à ce moment-là. Je sais pas, hein. Tu sais, quand tu dis que tu pourrais t'acheter un. Il était qui va honnêtement se priver de jouer à un jeu pour finalement cheater his way pour jouer au jeu. La limite, le vendeur, il est juste mort de rire. Puis, mettons, tu sais, tu te dis, ah, oh, faut qu'il change d'ordinateur, ça va sur Windows 8. Non, oh, ma copie marche plus! Oh non. Ça, c'était un bon 30 000 $ well, bien dépensé. Tellement dépensé. N'importe combien que tu investis dans un bonhomme, c'est déjà pas un bon investissement. Tu sais. C'est ça. Il reste 30 000! Combien d'argent qu'il y a dans les poches? Ouais. C'est ton bonhomme ou un char? Tu as 30 000 à flamber dans un jeu de marde, là. OK? Oui, mais... Encore une fois, là, 30 000, t'as pas d'autre c'est... chose à faire dans la vie avec ton cash. Attends, c'est pas... Payer des chicks pour sucer, je sais pas, moi. 30 000 piastres, c'est beaucoup pour les gens comme nous autres, mais il y en a des riches, là, plein de cash, qui savent pas quoi foutre avec leur argent. Ouais, genre mon boss. Je sais pas, là. Le coup des jeux, c'est dissocier des propos de Sylvain par rapport à son boss. S'il est puissant, je veux pas voir la grandeur de son avocat. C'est son boss qui a acheté le bonhomme à 30 000 piastres. Hey, Jack, viens acheter un bonhomme. Comment qu'on joue? On va voir quelques nouvelles de cinéma. Oui, allons-y. Il va y avoir un film sur la guerre Nintendo-Sega. Quoi? Ben voyons donc. C'est les amis partenaires Seth Rogen et Evan Goldberg qui nous ont offert Superbad, This is the End, qui vont écrire une adaptation d'un manuscrit qui s'appelle Console War. Puis ça va être présenté comme un drame qui montre la vision de Sega par rapport à cette guerre qu'il y a eu. Donc on va voir comme les coulisses de Sega pendant la guerre des consoles entre le Nintendo et Sega. C'est un drame ou c'est comme un plus comique, humoristique? Drame, mais c'est Seth Rogen. C'est Seth Rogen qui fait comique, c'est ça, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, peut-être qu'ils vont rajouter quelques éléments comiques, mais ça fait drôle de voir qu'ils vont parler d'une geekerie, d'un film complet. C'est le fun? C'est pas le fun? C'est sûrement ça. Est-ce que toi, tu penses que ça va être accurate? Pardon mon français, là. C'est jamais accurate, de toute façon. Non, c'est ça. Fait que... Surtout s'ils font juste d'un bord, là. Ils font juste Sega, s'ils feraient les deux, ça serait peut-être mieux, là. Ben, c'est parce que dans le roman, de Blake G. Harris, il relate la guerre du point de vue de Sega. Puis vu que dans le script en tant que tel, c'est vraiment orienté Sega. Ça va probablement prendre cette orientation-là. Mais ce qui est le fun, par exemple, pour le film, c'est que l'écrivain va être producteur exécutif. Ah, c'est cool, ça. Puis il va réaliser un documentaire qui va avoir le même sujet. Donc, il va avoir le film et le documentaire vont sortir en même temps. Ah, c'est cool. C'est prometteur, d'abord. C'est intéressant. Mm-hmm. Après ça... Écoute, est-ce que je peux vas-y. Parler de notre minute de silence de la semaine? Oui, vas-y. Egon des Ghostbusters n'est plus les nôtres. Malheureusement. Très, très triste. Rest in peace. Et peux-tu nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? Non, il y a quand même tout ce que je sais, c'est qu'il est mort à 69 ans. Au moment où moi j'ai coup de l'œil pour sa mort, c'est assez... il y avait peu de détails. Je m'en assurais de ce que j'ai lu. Il n'y a pas eu d'accident en tant que tel. À part qu'il était sur des projets. Donc, Ghostbusters 3, mais ça, c'était. Ghostbusters 3 est toujours été on and off. Fait que, comme je dis, moi, le plus que j'ai su à propos de la mort, c'est cause naturelle. À 69 ans. Moi, j'ai une nouvelle par rapport à ça aussi, parce que le monde ne veut pas, ils ont peur que Ghostbusters 3 serait pas présenté. Ben, j'ai un article ici de superherohype.com qui dit que Ghostbusters 3, le script serait en train d'être retravaillé pour que la présence de Harold Ramis soit pas obligatoire pour le film. Mais je sais pas si ça va donner le même film. Tu sais, je veux dire, oui, t'es capable. Tu sais, je trouve qu'ils ont déjà du guts de le faire sans. Je m'en dis Dan Aykroyd, c'est pas Dan Aykroyd, mais Bill Murray. Ben, à la base, Ghostbusters, c'est Dan Aykroyd puis Harold. Ils ont demandé à Bill Murray de joindre pour. Non, c'est pas ça l'histoire, hein. Non? Non, au début, c'était censé être. Tu sais, qui joue dans Blues Brothers avec Dan Aykroyd. Comment il s'appelle? James Belushi, ah, non? Ouais, exactement. Belushi. C'est Belushi qui était censé jouer le rôle de Bill Murray. Mais ah ouais? Belushi est mort, d'une overdose. Puis, à cause de ça, ils ont demandé à Bill Murray de prendre sa place. OK. C'est normalement, ça aurait pas dû être Bill Murray qui a eu ce rôle-là. Eh ben. C'est un héros qui a fait sa carrière. C'est ça le fait. On n'a pas eu de sequel, mais au moins on a eu un jeu qui avait de l'allure, par exemple. J'aurais préféré voir un film, mais on a eu un jeu qui avait de l'allure. Mm-hmm. Oui, encore sur le film, c'est juste que là, c'est comme il vient de dire Ben, c'est. Ben là, c'est pas quelle direction qu'ils vont prendre maintenant, là. J'avais entendu v'là un bout qui disait, ben, il faut en profiter de faire un Ghostbusters. C'était la relance, la deuxième vie de plein de films qui revenaient, de plein de remakes, puis même lui dire, faut en profiter, on est tous vivants. Ben là, plus maintenant. Bon, c'est ça. Chien un peu. Non, mais c'est vrai, Manu, ça fait déjà une couple d'années que j'avais entendu parler de ça. Là. Peut-être qu'ils ont eu d'autres raisons internes pour qu'ils l'ont pas, pourquoi ils l'ont pas réalisé avant. Mais c'est ça. Je sais pas si vous avez d'autres nouvelles de votre côté. Moi, juste une dernière note. Dernière fois, je parlais de Twitch.tv avec Twitch Plays Pokémon. Ouais. Il y a deux nouveaux Twitch qui viennent de prendre naissance. Twitch Plays Zelda, puis Twitch Plays Street Fighter. C'est le même principe? À peu près le même principe. Il y en a un, Street Fighter, c'est des rounds avec Infinite Time. Fait que c'est jusqu'à ce qu'un des joueurs gagne. Après ça, c'est Character Selection. Puis Twitch Plays Zelda, c'est à peu près le même principe. La seule affaire, c'est que Link a infinie de vie puis infinie de bombes. Fait qu'éventuellement, Zelda va probablement être fini. Pour qu'est-ce qu'il y a de Street Fighter, ben c'est juste un clusterfuck continuel avec des personnages qui se battent de façon complètement random. Ça doit être horrible. C'est que, hein, moi, à ma job, des fois, genre, je laisse le vidéo de Street Fighter en background juste pour écouter la musique pendant que je travaille. T'es pas tenu d'entendre les c'est pas si peu, c'est endurable. Avec boom! Après ça, le boss passe en arrière. Beau travail, Joe. Ah non, mais j'écoute pas, je laisse pas le vidéo ouvert, je fais juste laisser le son. On salue le boss de Joe en passant. C'est de ses commentaires aussi. J'ai une petite nouvelle ici de mon côté. J'ai fait un gros what the fuck quand j'ai vu ça cette semaine. LeBron James, qui est un joueur de basket pour le Heat, il ferait partie de Space Jam 2. Ça n'a pas été démenti, ça? Non, ça n'a pas été démenti. C'est ça, ça a été démenti, le Space Jam 2. Non, apparemment, c'est pour de vrai. Pourquoi pas? Oh my god. Mais ouais, il est où le problème, là? Il y avait l'autre gars qui faisait du basketball, je ne me souviens plus de son nom. Michael, puis là, Michael Jordan. Michael Jordan, ouais. Il a dit Michael Jackson. Michael Jackson. Pas ça, un grand homme pour ça. Je pense qu'il est pas mal. Il est pas mal mort. Il fait le moonwalk, ouais. Faire un point. Oh, non, I received the ball in my nose. Est-ce que je suis vraiment le seul qui trouve que c'est vraiment, vraiment weird de penser que Michael Jackson pourrait jouer dans un film pour enfants? Weird? You're ignorant! That's ignorant! I'm a kid! C'est dans South Park, là? Yeah, South Park, c'est carrément les parodies de Michael Jackson. I'm a little girl, oh yeah! Quand il prend le corps du père à... Frère à Kyle, ouais, il joue, les gars, I'm a little girl, yeah! Il fait l'affaire de Minimis. Ah, c'est ça. I see dead, dead celebrities! C'est ça! Là, il fait l'affaire de Minimis, là, pis là, comme les jeux sont en train de se toucher parce qu'ils le regardent, là, pis ils donnent des points, ils se touchent avec l'autre main, là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, mais c'est South Park. C'est quand que sort déjà Stick of Truth? Tu passes la semaine prochaine? Non, non, le mois prochain. C'est le 22 de base, c'est ça? C'est le 25 mars. Le 25 mars. Considérant qu'aujourd'hui, ou en fait depuis minuit hier, est sorti Castlevania Lords of Shadow 2. Est-ce que Jux l'a eu? Non, j'ai pas le budget pour ça pour l'instant. Il a trop dépensé au maître café, en fait. Hey, ouais, ben non, mais j'ai tellement acheté du stock pour de Super Famicom dans le dernier mois, là, je commence à être à sec de fond, là. Acheter des boîtes à Jug, ah ouais, plus vite pour qu'il achète Castlevania. En passant, une petite nouvelle aussi rapidement, il y a maintenant le site internet retronfire.com, si vous voulez aller voir les features de la nouvelle console de... Et si jamais vous voulez aller à votre magasin et puis dire je veux une Retron 5, puis qu'ils font c'est quoi ça une Retron 5? À cette heure, vous leur dites Retron5.com! Retron 5, c'est là, il n'y avait pas le choix. Retron 5, c'est juste the best thing ever, là. C'est quoi, c'est une console qui est la to rule them all? Oui. Oui. Mais c'est quoi, ça va de où à où? De Super Nintendo, Super Famicom, Famicom, Nintendo, Game Boy Color, Game Boy, Game Boy Advance, Genesis, Mega Drive, puis c'est ça. Pas tous ensemble dans une console. Ça existait pas ça déjà? T'avais des 3 en 1, mais là t'en as 6 en 1. Puis c'est-tu légal? Oui. Oui. Ouais. T'as le droit de... Ah ouais? Ouais. La console est légale. Ça prend des cartouches pour les jouer. Ouais, je sais, mais je veux dire, t'as le droit d'exploiter les jeux comme de manière légale, mais t'as le droit de faire une console pour les rouler toutes. Ben oui. Ouais, les patents pour ces consoles-là sont libérés de copyrights puis de trademark. OK. Puis c'est quoi le prix? 100 dollars. 100 piastres, je pense. 100 piastres? 100 piastres, ça vient avec une manette Bluetooth. Chris, c'est cool. En plus, je viens de voir l'image, elle est super slick. Puis t'as toutes des ports pour les manettes originales. Fait que c'est une manette de Genesis. Tu peux brancher ça marche sur une base Android, là, un peu comme la Ouya. Nice! Okay. C'est cool ça. C'est une mémoire interne, fais-tu d'autres choses? Ouais, tu peux connecter Internet pour updater le système d'exploitation qui est Android. Puis tu peux utiliser des. Je pense qu'il y a possibilité d'utiliser des patchs de traduction éventuellement. Fait que si tu as des jeux japonais, peut-être qu'éventuellement, pour utiliser les patchs directs au lieu d'acheter une reproduction. Tu peux jouer online? Non. Je pense qu'ils sont en train de travailler sur une patch pour que la Retron te fasse ton déjeuner le matin. Oh, ça c'est bien. Elle fasse ton lavage aussi. Ben oui. Puis que, mettons que tu te fasses planter, ben la manette, elle se ramasse automatiquement dans le mur. Il y a un T-Chum qui sait pas c'est quoi, là, puis il fout le pain dedans, t'as des miettes de toast. Qu'est-ce que tu fais, man, dans ma console? C'est pas un toaster, ça marche pas! Il y a des petites miettes dans le fond, puis oublie ça, souffler, c'est des petites miettes, ça marche pas. Ah, ça doit être le bordel à nettoyer ça après. On va aller voir sur le chat nos fans, qu'est-ce qu'ils nous disent en ce moment. Merci beaucoup, vous êtes très présents. C'est ça qu'il faut en train de dire. Ah, j'imagine. On me dit qu'un écho, oui, je suis au courant, je sais pas pourquoi, on a eu le même problème la semaine passée. On a un problème d'écho de la part d'un des membres, on ne sait pas c'est qui. J'étais pas là, c'est pas moi. C'est pas moi non plus. Voilà, non, peut-être une fois fait. Il y a des grosses chances que ce soit celle-là qui n'a pas d'écouteur. Ah bon? Pas d'écouteur. Du, du, du, du, du. J'ai des écouteurs. De toute façon, caché en dessous de ta capuche, c'est ça? Ouais. J'ai pas d'écouteur, mais j'étais pas là la semaine passée, fait que là, ça peut pas être moi, là. Non, ouais, on va essayer de trouver on va essayer de trouver la solution au cours des prochaines semaines, inquiétez-vous pas. On sait qu'on a un petit problème d'écho, mais on... De quoi? Tu parles. Connard! On va aller voir les questions... Ethan Wolfcat qui demande à propos de la compatibilité. C'est-tu compatible avec tous les jeux? Parce que la Retro Duo était non compatible avec Super Mario RPG. Le Retron 5 ne fonctionne pas de la même façon que les anciennes consoles répliques comme la Retro Duo et la Retron 3. C'est-à-dire que ce n'est plus du hardware qui fait jouer les jeux, c'est un hardware qui a été fait à partir de zéro, qui émule les jeux une fois qu'ils sont dedans. Donc, tu as la même qualité de son, tu as la même chipset. Et en ce moment, même lorsque tu vas sur le Facebook de la compagnie Aperkin, ils sont en train de tester tous les jeux possibles. Ouais. Puis en ce moment, il n'y en a pas aucun qui ne fonctionne pas. Nice. Ils ont même été chercher une cassette de Nintendo World Championship, une originale, pour la tester et elle a fonctionné. Wow. C'est-tu HDMI, l'output? Oui. OK. C'est pas avec le câble qu'il faut que tu visses. Oui, elle fait du 720p. Ils fournissent le câble HDMI en plus avec la console. Mm-hmm. Oh, c'est des grosses consoles de gros noms qu'on nommera pas qu'elles fournissent même pas. Alors, non, Nintendo, non, pas Nintendo, Nintendo sont un testament d'acclamés. Oui, il y a fournaise, je parle de d'autres gros, là. Oui. Qu'on ne nommera pas, là. As-tu des points de vente pour ça, le rétro, c'est tout online? Moi, d'habitude, je peux aller chercher chez Microplay. Ah oui, il y en a? Mais là, toutes les pré-orders, n'auront pas assez pour toutes les pré-orders qu'ils ont eu. C'est ce qu'ils ont dit. Rétro, tu veux dire, ou Microplay? Rétro? Ben, les Hyperkin, ils ont dit qu'ils n'ont pas assez de rétron pour satisfaire le pre-order. OK. C'est pas bien, ça. Fait que probablement qu'il faut attendre un peu, mais je pense que l'attente va valoir la peine. Ouais, c'est pour bon ceux pour vous, qui... Ça dépend des gens, c'est sûr. J'en parlais un moment donné avec Alpha. Tu sais, une personne comme moi qui a à peu près toutes les consoles de gens partant, ça ne sert peut-être pas grand-chose de chercher une rétron 5, mais quelqu'un qui veut commencer dans le... Quelqu'un qui veut commencer à collectionner, ça peut être une très bonne idée. Mais là, je suis pas d'accord avec toi, Ben. Ben, moi je pense que oui. Là, quelqu'un de moindrement jeune, là, tu sais, quand t'as 15 ans, là, il va pas aller commencer à chercher toutes les consoles l'une après l'autre. Là, ça y prend quelque chose qui fait tout. Puis ça, c'est une bonne. Moi, pour faire de la place dans le salon, je trouve ça génial. Les jeux, peut-être le jug, c'est pas tout le monde qui a 510 Skylanders. Puis, non, mais je sais. Parce qu'avec toutes les consoles que j'ai, là, j'ai pas de place dans le salon. Ça va libérer de la place. Puis en plus, je vais pouvoir me débarrasser de mon lecteur enregistreur DVD pour les vieilles consoles RCA. Parce qu'avec la sortie HDMI, ben, je vais pouvoir enregistrer tous les jeux. Ah, non, mais c'est vrai, t'as du monde qui se retrouve avec des vieilles affaires. Tu sais, ils se font donner des jeux à gauche puis à droite, puis ils n'ont pas nécessairement toutes les consoles. Comme tu dis, c'est super bon pour t'acheter ça, c'est 100$. Une manette puis une console. Console to rule them all. C'est ça, ça dépend. Moi, je les ai déjà toutes. Fait que pour moi, je vois moins l'utilité. J'ai déjà mon enregistreur RCA pour mes jeux puis mes consoles. Fait que pour moi, c'est un peu moins utile. Puis j'ai trop ma petite télé. J'ai une bonne vieille cathodique. Une petite cathodique qui est dans un fond d'armoire au cas où j'ai besoin de jouer à mes consoles. That's the shit. Et, non, Ben est hardcore, là. Faut que vous le sachiez, là. Non. Ben est hardcore. Juste hardcore si tu t'habilles dans tes vêtements des années 80 ou 90. Parlant de vêtements des années 80-90, avez-vous écouté la guerre des enchères à New York? Non. Tous nos sujets de conversation reviennent toujours un jour ou l'autre. Là-dessus. New York, hein, ouais, non, je... Ils ont commencé New York. OK. À Canal D, puis genre, ils ont... Il y a une couple de filles qui sont dans... Deux filles qui sont ensemble, puis eux autres qui ont une grosse van avec plein de vieux vêtements qui revendent dans la rue. Puis, mm-hmm. Eux autres, leur trip, là, c'est d'aller chercher les spots, genre le linge. Ils spotent le linge dans les places. Puis, à un moment donné, ils pointent des, genre, un sou de cuir, genre, ça, moi, je dirais, je donnerais même pas 5$ pour ça. Et si, ils ont réussi à le vendre 300$. Ben, voyons donc. Ben, Galine. J'étais comment, comme, fuck, comment ça se fait qu'il y a du monde qui vont chercher du linge? Écoute, des bonhommes qui payent 30 000 piastres pis des figurines pis des affaires virtuelles. Du linge, j'y crois. Bon, on a déjà notre strippus Skylanders, là. Ben, je suis un peu juste calendar, là. Arrêtez. 15 000 piastres, t'as dit, un bonhomme. Wow. C'est pas ça qui prend le plus de place dans mon salon, hein, c'est mon Super Nintendo, mon Genesis, mon Super Famicom, Faudrait que t'aies une statue Skylander. Être un enregistreur DVD de tout pour ces consoles-là. Plus mon chose pour HDMI, mon Xbox 360. Ton Xbox de Skylanders, plus tes Skylanders, plus ta Wii U de Skylanders. On n'est pas dans le salon. Plus de Skylanders. Ton lit en Skylanders, hein. Le monde des Skylanders, des oreillers Skylanders. La blonde en Skylanders. Oh, I wish. Son char. Y a-t-il un char qui se ferme en Skylander ou quelque chose, un nom, là? Non, hein? Il rêve le soir, il rêve des Skylanders. Non, pas là, il va acheter la licence juste pour lui, là. Il se réveille en soir. Ah oh, non, mais Skylanders. Ouais, elle vaut trop cher, la licence. Il a pensé. Il a dit mon investissement aurait peut-être pas encore valu la peine. Ben, on sait jamais. S'il garde des figurines scellées. Je garde pas ça scellé, c'est vrai pour s'amuser. Tu peux jouer avec la boîte. J'ai pas de faire avec des reventes sur eBay, moi là. Tu scannes la boîte, puis là tu joues avec. Là. Non, mais ma blonde, elle en a essayé dans les boîtes. Elle a mis ça sur le portail et ça a fonctionné. Sérieux? Oui. Mais ça, je l'avais déjà dit, ça, c'est pas nouveau. Mm-hmm. Non, ça paraît. Je t'écoute quand tu parles de ça. Ça l'est fait bien? Je t'ai cassé. Ouais, tu trouveras une place à dormir, mais que tu te sens à Québec. Oh! Elle est peut-être ta garde. Ouais, mais la chambre à bêta est déjà prise, fait que c'est correct. C'est quoi le rapport de bêta? Moi, je te dis que tu dormiras pas ici, puis tu te dis que je vais pas dormir avec bêta, je m'en calisse. Ouais, c'est ça. Ouais, mais le rapport, c'est bon, tu sais peut-être pas, Jug, mais on t'envoie bêta. Mais il rentre pas ici, et. J'ai hâte d'en savoir le mystère de ça, parce qu'on me dit que c'est quelque chose, mais on m'a pas dit pourquoi. Tu vas dormir avec, ok? Parce qu'on a tellement parlé que c'est impossible que tu saches pas c'est quoi. Si c'est parce qu'il ronfle, j'en ai une en arrière qui ronfle. Non, arrête avec ça. T'as aucune fucking idée, man. Faut arrêter, là. Arrêtez d'essayer de dire que vous êtes capable de gérer ça. Non. Non, essaye pas, man. Qu'est-ce que tu donnes? Faudrait faire un défi, man. Ça survivre. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu donnes, Jug, si un de nous réussit à survivre à une nuit dans la même chambre que Beta? Hey, Alpha, tu penses vraiment qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de survivre à ça? Non, qu'est-ce que tu vois de Alpha, là? Crash le morceau. Il y a probablement juste moi, en fait, là. Est-ce que quelqu'un qui dort sur du métal? Moi. Est-ce que quelqu'un qui dort sur du métal pourrait toffer Beta? Un peu. Sushi, il n'a pas essayé, puis ça n'a pas marché. Je sais pas, là. Je pense que oui. Je pense qu'il a dit même avec mes écouteurs, j'étais pas capable. Je pense que c'est quoi, ouais, c'est vrai. Non, regarde, c'est non. Non. Oh. Personne? Non. C'est parce que c'est plus juste rendu que tu le sens avec tes oreilles, là. Ça shake dans la chambre! On met c'est pas une exagération, là. Il y en a pour qui les tremblements de terre, ça les aide à dormir. J'ai pas ouais, mais... ouais, mais toi, ça t'aidera pas avec lui, ok? Non, c'est parce que là, ça va être. Ça sera plus un tremblement de terre, ça va être un tsunami si tu dors avec, PL. Il y a ça, par exemple. Il va y avoir l'eau qui va sortir des toilettes en même temps, ça va faire le bon, tsunami. Ils vont se réveiller après leur nuit, ils vont savoir changer de lit, tu sais. Non, mais. J'ai dit, j'ai failli y dormir dans le chapeau de bain, en dessous du comptoir. Avant de commencer sur notre sujet, je sais qu'on a quelques membres qui vont devoir nous quitter, mais j'ai quelques nouvelles par rapport aux accros des jeux que je voulais vous communiquer. Ben oui. Tout d'abord, je voudrais d'abord féliciter une nouvelle membre des accros des jeux qui va faire sa partie de l'équipe prochainement. Oh yeah. Roulement de tambour. Wouh! Kara va faire partie des accros des jeux. Oui, monsieur, beautiful! Yay! Mais c'est pas beautiful, ça? Alors, les femelles de l'équipe. Mais c'est unbelievable, incontable, ça que tu dis avec ta bouche. Ah non, c'est Uncle Ben aussi. Elle va te dire comme j'adore, Kara. Qu'est-ce que t'as dit, Arcade? Elle va-tu déguiser comme nous autres? Non. Oh! Oh! Putain! Oh, je pense pas que Caro va faire ça. Je pensais que c'est ça qui est arrivé, merde. Hey, toi, il jouait avec les Skylanders. Dans le fond, il a enlevé la caméra, il s'est fait une base avec des jeux. Le pire, là, c'est que j'ai même pas fait de vidéo de Skylander depuis, je pense, l'année passée. Oui, mais c'est irrelevant, ça. C'est... Ouais, mais regarde, on Astor, t'es même... même hein? De toute façon, t'es rendu sur le T-shirt officiellement avec tes Skylanders, t'es fait pour la vie, là. Donc, faut le refaire, les T-shirts, là. Je suis sur Dragon Quest pas mal. T'es les mêmes même, et puis Skylander. Je te le dis, man. Quand je vais venir où est-ce que t'es, à Québec, je vais te filmer par la fenêtre. Et si je te spot en train de jouer à des Skylanders, man, t'es fait. J'habite au quatrième étage. Mark my words, j'escalade, mon gars, j'escalade. Rien d'arrêt, Arcade Retro. Ah, écoute, tu seras pas le premier qui va se faire poigner par la police en faisant ça. Monsieur ah l'agent, bon, ça t'arrive? Tu joues à Skylander, tu es un adulte. Non, quoi, le Skylander? C'est quoi, tu vois? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème avec les Skylanders? Hein? Ouais, c'est ça, le policier, il est full fan, là. Oh, ouais, ça va, t'es Skylander! Skylander est en train de me tirer dessus, décolliste! C'est lui qui va monter, qui va aller jouer avec Joel. Non, c'est ça! Il va s'en aller dans le coin de me découper pour que je m'en aille, non! Fait que, au prochain an, vous allez pouvoir voir les articles de Kara sur le site des accords de jeu, alors on voudrait la féliciter. Oui. Alors, félicitations, Kara. Elle devrait faire partie du prochain podcast la semaine prochaine. Alors, vous allez pouvoir vous également y parler. Yay! Congratulations, bravo! Oui. Alors, comme je parlais un peu plus tôt, j'en ai parlé comme trois fois avant que je puisse faire l'annonce officielle, ben, on a reçu les premiers t-shirts des accros des jeux. Alors, ils sont très, très, très magnifiques. Alors, si vous désirez en avoir un, vous pouvez aller directement sur notre site internet accrodesjeux.com, aller à la section boutique et commander la taille que vous avez, que ce soit... Mais pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne le regardent pas, oui. Explique donc c'est quoi le t-shirt? Eh bien, le t-shirt, c'est un dessin que le dessinateur officiel de Tester Alpha nous a fait. Et on voit dessus l'équipe de septembre dernier. Donc, on voit Big Ben, Marilyn, Jug, Antithèse et Tester Alpha qui donnent une foutue de raclée à Beta. On ne sait pas pourquoi encore. C'est gratuit. Pour la fun. Pour la fun. Pas besoin de raison, sincèrement. Là. C'est un réflexe rendu là. Ouais. Mais je pense que c'est rendu un réflexe dans l'image. On voit juste comme fente ta gueule, là. Alors, vous pouvez vous commander des t-shirts ou si jamais vous êtes à Montréal et que vous voulez peut-être en prendre un, juste à m'envoyer un message privé et si j'ai dans votre taille, je vais pouvoir vous le faire shipper. Yeah. Dernière chose, on n'en a pas parlé souvent encore, mais j'aimerais juste vous rappeler, si jamais vous voulez nous faire parvenir des biens, si vous voulez nous faire parvenir une lettre, c'est drôle à dire, le monde n'utilise plus des lettres, mais... D'accord, drôle. On a payé quand même pour une case postale. On est des rétros, nous autres, fait qu'on reste avec les vieilles façons. C'est ça. Postales, oh, ouais. Cool, man. Puis on n'a pas d'ordi chez nous, on tape à dactylo. Nous. Ouais. On est toute à la bibliothèque, sa webcam. C'est des décors. C'est trop moderne, ça, la webcam. C'est fait là. Les internets, finalement, c'est un gros frigidaire où est-ce qu'on se laisse des messages? Non, on communique ensemble par des signaux de fumée. Là. Puis des vieux verres avec des cordes, là, on a un système. Comme... Puis des bidons voyageurs. On peut envoyer un annonceur avec une trompette. On en a du fil. Fait que si jamais vous voulez nous faire parvenir quelque chose, vous pouvez le faire via notre casier postal officiel qui est accrodesjeux à l'attention du critique que vous voulez écrire. Casier postal 314, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B8. Alors, si vous voulez nous faire parvenir quelque chose, allez-y, ça va nous faire le plus grand plaisir de vous réécrire ou de vous parler durant le podcast que vous nous avez fait parvenir une lettre. Et s'il vous plaît, envoyez-moi pas des large, j'ai pénis en, en lettres, je vais être totalement flabbergasté. Des penis pump! on va parler de notre sujet. Est-ce que on a, est-ce que vous voulez rester? Je vous quitte malheureusement. Alors, je vais commencer avec Jog. Comment on peut le contacter sur les internets? Alors, on peut me contacter par ma chaîne YouTube, ensuite par Facebook, en cherchant juste un gamer. Puis, bien sûr, vous pouvez aller sur le forum d'acrodesjeux.com pour discuter de sujets super intéressants. Testeur Alpha de ton côté? Je suis un petit peu partout. Je suis sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. J'ai un compte un peu partout. Donc, si vous tapez Testeur Alpha, en principe, vous pouvez me trouver. Et je réponds là habituellement assez rapidement. Mais la meilleure des façons demeure sur le site des accros des jeux. Je fais mon tour très régulièrement sur le forum. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'avoir passé durant quelques minutes avec nous autres. On se revoit peut-être la semaine prochaine. Aucun problème. Alors, merci beaucoup. Salut! Salut! Vous allez voir Skylander ensemble, hein, c'est ça? Oh merde, il l'a plan, notre plan est révélé au grand jour. Shit! Je savais. Parlant de traite et non, en fait, pour être honnête, Arcade, je m'en allais écouter ton vidéo, mais là, si t'insistes, je m'en rejoins à Skylander. Vas-y, Skylander, vas-y. Tu vas descendre à Québec pour aller juste jouer aux Skylanders. Ben ouais, oui. T'as le temps, t'es aller-retour. Bon, allez, ciao. Ciao. Bye. Bye. Bye. Alors, on y va. Je vais commencer. Je vais demander antithèse. On peut-tu commencer avec la musique? Faut qu'on la chante, man. Il faut faire la musique, mais je veux laisser notre musicien. Time out. Je fais time out, time out. Ok. On a lui a fait peur. Il a paniqué. Je pense qu'il a paniqué parce qu'on lui a dit tu vas chanter. Chante, chante. Je panique moi aussi présentement. Ben non, tout le monde la connaît par cœur. Fermez vos yeux, ça va bien aller. Pas vraiment, j'écoutais pas l'opening, moi. JP, quand t'as dit ça, là, ferme les yeux, tu vas bien se passer. T'as-tu dit ça à ta dernière blonde? Non, c'est en prison qu'ils disent ça souvent. Ah, ok, ok. Il dit ferme tes yeux et échappe le savon. Oh, ouais! là là. C'est quoi? Antithèse est parti? Non, on dirait qu'il est en train d'avoir peur, là. Je pense en train d'avoir peur. Je pense que ça va te faire un setting. Il est au téléphone, je pense. Non, t'as pris de la guitare, là. Ok, tu peux jouer la toune. Wow! Plus! Ouais, mais gros ça, mais là, comme j'y prends pas mon setup de fête, je peux pas faire des big rock metal. Y'a-tu un orchestre et une chorale en arrière, genre, de dire quoi? Ben, que je peux peut-être appeler mon... Si, c'est au moins un coup de solo que je suis capable de jouer, c'est bien celui de. Le premier de voyons. De la. Du Toontown de Power Ranger. Elle est facile à jouer. Ça sent ça. On t'écoute. On t'écoute. En mangeant du popcorn. Est-ce qu'au moins vous l'entendez? Parce que ça ne tente pas de décrire. Comment? L'entendez, non? Attends, oui, vas-y. Bon. Prise 2. Ah non, j'ai fucké le solo. J'ai fucké le solo. Moi, je pense qu'on va devoir le chanter. Ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix. Je la connais pas, moi, fait que... Suis-nous, fais comme ma messe, là, tu fais semblant de savoir ce que tu dis. T'es debout, de Seigneur, debout. Tu sais que c'est drôle que tu dis ça en même temps que t'as la peinture en pleine face. Ouais, c'est ça. T'as de l'air d'un Manitou ou quelque chose de même. Un chaman. Il a fait sa propre religion, lui. La religion du Ultimate Warrior. Bon, ben écoute, je pense qu'on n'aura pas le choix de la chanter, fait que, ben, à part le petit nouveau. Ben non, c'est correct, c'est correct! Vous êtes fait prêts? Vous avez fait vos vocalises? Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Mi, mi, mi, mi, mi. Mi! J'attends ton décompte, Ben, qu'on chante ça. 3, 2... Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! You mighty Morphin Power Rangers! On a bien dit, on parle de drogue, là. Là, on lag, en esti, ça va être tout croche, le podcast. Pas grave, je pense que c'était juste comme... un gros what the fuck moment qu'on vient de vivre en ce moment là. Alors, ce what the fuck moment est une présentation de jeux rétro-révo à Québec. Pour l'adresse et les informations, veuillez contacter Jug sur Juggy. Alors, oui, comme vous avez pu entendre d'une manière très a cappella décalée, merci. On va parler des Power Rangers. Pourquoi j'ai eu cette idée-là? J'ai retrouvé les séries qui sont disponibles sur Netflix, puis j'ai écouté ça, puis je regardais, je me disais, c'était Ketten. Pareil! C'était pas Ketten. Mais la question est, en ce moment, que je vais vous poser, est-ce que c'est les Hot? Non! C'est 902 Mono avec des séquences de combat Sentai japonais. Non, man, c'était cool. À quoi c'était cool? À quoi que c'était cool? Mais t'es la plupart des images n'est même pas d'eux autres. Ça venait de Sentai au Japon. Oui, mais de toute façon, on s'est imposé que l'original Kamen Rider, c'est fucking écœurant, là. Ça veut pas dire que c'est pas bon, là, parce que c'est les images du japonais, là. C'était bon, man. C'est une histoire pour ados. Il y a des combats, il y a des monstres, il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a de la romance. Il y avait toute cette vie. Des policiers. Il n'y a pas de policiers, man. T'avais des bonhommes de terre qui se battaient super poche. Et voici la présentation du Potty Patrol. Est une présentation de jeu rétro révo. Pour toutes les informations sur le jeu rétro-révo à Québec, j'ai bien dit Québec, soit le Bonville Beach, contactez le gamer. C'était pas Ketten, c'était cheesy. Mais moi, je trouvais pas ça Ketten, je trouvais ça cool. Toi, t'as été un gros tripeur de Power Rangers, de ce que je comprends, là. Moi, j'aimais ça, pour de vrai. Moi, j'aimais ça, là. Écoute, je m'en foutais-tu de l'histoire. Moi, c'était de savoir à chaque semaine c'était quoi le monstre. Parce que de toute façon, le combat était jamais exceptionnel. Il était jamais capable de le battre. Puis là, faut se mettre en robot. Il utilise jamais les robots. C'est quand tous les robots sont ensemble que c'est utile. C'est comme un signe d'amitié ou je sais pas trop quoi. Mais moi, c'était vraiment. Parce qu'il y avait pas d'internet, man. C'est quoi cette semaine? Qu'est-ce que Rita va sortir de son sac à surprise, man? Fait que là, elle pitchait un monstre en plasticine, man, qu'elle faisait. Chris, c'était hot, man. Chris, c'était hot. Les gros combats à la Godzilla, man. C'était fucked up, man. Point à la ligne, je m'en vais, bye. Non, mais quand t'avais 5 ans, quand t'avais 5 ou 6 ans, c'était impressionnant. Moi, je me rappelle, j'écoutais ça avec mes chums de gars, puis on passait une heure à se battre dehors. Ah oui, ma mère, oui, man, qui a pas joué à l'école à ça? Ma mère voulait pas que j'écoute le film à cause de ça. Il y a eu un film. Ben ouais. Je peux écouter deux films. Le film est maintenant. Ah, le turbo, là. Parle-moi pas du turbo, toi. Il y a turbo, pis t'as le film qui a vraiment pas rapport. Le film a vraiment pas rapport avec la série parce que, genre, ils ont même pas suivi la trame narrative de la série. Ils ont fait comme, on va mettre les Power Rangers avec un suit de ninja. Ouais, mais il était hot, pareil! Ouais, mais les Power Rangers, là, au nombre de saisons, man, ils ont changé en tabarnak, là. Il y en a 21 samouraï, Power Rangers robot, Power Rangers. Attends, j'ai tous les noms ici. Le Power Rangers Zio, Power Rangers Turbo, In Space, Love Galaxy, Lightspeed Rescue, Time Force, Wild Force, Ninja Storm, Dino Thunder, SPD, Mystic Force, Opération Overdrive, Jungle Fury, RPM, le remake des Morphine qu'ils ont refait. un autre que j'ai. Un nom japonais que je pense qu'il est uniquement là. T'as les samouraïs, les super samouraïs, pis t'as Mega Force. Ah oui, pis t'as Morphine Alien Rangers. Ça fait Ketten. Il y en a ben trop, là. Je ne comprends pas trop pour rien, puis c'est juste pour, d'accord, deux raisons. Un, comme Metal Pony et comme d'autres trucs, faire vendre le jouet. Mais aussi, ça faut l'avouer, par exemple, il fallait qu'il soit un peu créatif pour pas justement que ça ait l'air redondant puis que chaque saison ait sa propre identité. Ça, oui, faut leur donner. Il y en a eu, oui, j'en ai eu trop, mais c'est le fond quand même un changement. Ça restait souvent des fois les mêmes personnages qui changeaient juste les habits, tout ça. J'ai jamais montré, jamais checké pour comment qu'ils arrangeaient pour y expliquer le changement, là. S'ils faisaient. Ça, j'écoutais pas ça. Moi, c'était trop rendu loin, puis c'est rendu, je pense, plus tard. Parce que pour moi, Power Rangers, c'était entre ado puis adulte. T'sais, on dirait que j'étais comme un petit peu vieux, puis c'était vraiment une ligne super mince entre cool et quétaine. Fait que jour au lendemain, ça changeait, mais ben, je produis. Je sais que sur, si je me rappelle bien, c'était sur Télétoon Retro, il passait l'année passée, Mighty Morphin, je pense. Je sais pas s'il repasse encore, je sais qu'il est passé, puis je me ramusais à les réécouter, puis arrêter. Même si on trouve ça quétaine peut-être aujourd'hui, je dis pas, mais ça reste toujours drôle à regarder pareil. C'est toujours aussi amusant. Ouais, mais si jamais vous êtes intéressé, là, essayez de trouver sur Internet Kamen Rider, là, c'est la version originale. Personnellement, moi je l'adore la série, là, c'est vraiment bon. C'est meilleur que Power Rangers, personnellement. Tu parles des EU Rangers, voyons. Les originaux, finalement. Ouais, l'original, la série originale. Ouais, mais Kamen Rider, c'est un seul, là, on parle. Là. Ouais, je sais, mais ça reste Kamen Rider, c'est Kamen Rider, là. Ok, ok. Quel petit gars a pas eu de coup de cœur pour Kim, hein? Kimberly, la rose? Qui n'a pas eu de coup de cœur? Toi, t'aimais la jaune? Ouais, la jaune, man. T'es, mais sérieux, c'était super raciste, tu sais. Le noir, c'est le black. L'asiatique, c'est le jaune. La fille, c'est le rose. Le nerd, c'est le bleu. Le chef, c'est le rouge. What the fuck, mais, man? Ça avait pas fait rien. Le monde s'en foutait de ça. Il avait jamais pensé à ça. C'est quand ces gens qui l'ont changé dans le film, qui ont switché l'asiatique avec le noir, qui ont changé les couleurs, c'est là que ça fait de la merde. Parce que ouais, là, ils ont ressorti le sujet, on dit « Hey! » Ah, et puis on fait ça pour pas que ça soit raciste. Ah, ben, en faisant ça, tu l'es. Je veux t'entendre tes antithèses. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoutez, moi, à vous écouter parler, les gars, ça me paraît évident que vous aimez ça parce que vous avez grandi avec ça. Est-ce que oui. Je me trompe? Tout à fait. Oui. Et voilà. Voyez-vous, c'est plus vieux que nous aussi, là, on s'entend. C'est une des raisons, peut-être, pourquoi moi, je me lis pas tant que ça à Power Rangers, à part les 100 milliards de plot holes qui me font chier, c'est le fait, mais ça, c'est bon, c'est raison personnelle, parce que je dois également reconnaître que Power Rangers a quand même eu un impact culturel, et c'est une force culturelle auprès des gens et même des auteurs qui vous écoutent, par exemple. Celle-là encore. Parce qu'il y a encore. Moins, mais ça l'est encore, faut pas le nier. Un peu dans la même ordre, moi j'ai grandi avec Ninja Turtle. Ninja Turtle aussi, c'est dans le fond, quand tu prends du recul, c'est quétaine. Non. C'est pas quétaine, man, c'est hot. Je sais pas pourquoi, hein. Les Ninja Turtle, ils ont été un temps quétaine. Mais ils sont revenus. C'est comme Batman, leur popularité est basée sur quand c'était quétaine. Non, pas tant que ça. Batman de Tim Burton, étais-tu quétaine? Non. Batman de Adam West, est-ce qu'il était quétaine? Oui. C'est pas quétaine. Fuck oui. C'est le meilleur. Sauf que moi, j'ai pas grandi avec ça. Fait que je l'ai pas écouté, fait que je peux pas parler de cette série-là. Mais non, c'était pas quétaine, c'était hot pour son temps, là. C'était super Chris, man, il était hot. Non, c'est ça le débat, c'est le débat, est-ce que c'est quétaine ou est-ce que c'est hot? En même temps, c'est un peu comme mon aveu que même si j'aime pas Power Rangers, je ne suis pas en position, je ne serai jamais en position de nier le fait que Power Rangers, au même niveau que Batman, la Adam West, et ensuite Ninja Turtles, années 80, c'est catégorie dans le quétaine, mais hot. Ben, je pense qu'il y a un gros facteur de nostalgie. Si tu as grandi, quand tu grandissais dans cette génération-là, il y avait pas d'autre alternative. Power Rangers. En fait, j'ai grandi à pas aimer Power Rangers. T'avais autre chose? T'écoutais autre chose? Tortue Ninja, je pense que tu disais. Mais Tortue Ninja, c'était pas dans le même temps. C'était pas plus tard. C'est bon. Il me semble que t'avais... Moi, c'était surtout Ninja Turtles, c'était surtout, en fait, Ren and Stimpy. Moi, j'étais, quand j'étais peut-être un peu plus vieux, c'était, j'aurais cherché plus quelque chose de cartoon. Fait que, comme j'ai mentionné, Ren and Stimpy, ou encore, ce qui passait à Nickelodeon, parce que dans Nickelodeon, t'avais les, t'avais même le jeu Nickelodeon Arcade, qui était, que c'est un jeu questionnaire qui avait des défis à l'arcade, qui passait exactement dans, à peu près dans la même tranche de temps que Power Rangers. Mais si tu, ben, c'est dans les rares shows qui avaient du live action, là, on parle vraiment beaucoup de cartoons. Power Rangers, c'était un genre de pseudo live action. Comme tu disais, dans Mickey Wano, c'était ça. C'était un cartoon, mais c'était effectivement live action. Puis c'était vraiment divisé. Écoute, je m'associais pas pantoute aux personnages. Je m'en foutais toute leur histoire à l'école qui était tout le temps pareil avec des effets sonores pourris, là. Genre, le gars, il glisse, attends, le buit! Tu sais, il y avait tout le temps des affaires par rapport, puis tu le voyais, il y a une qualité. Là, on passe au combat, c'est une autre qualité d'image, là. Tu vois que c'est des images d'archives du show. T'es comme, ça marche pas, là. Puis là, c'est doublé avec les voix des autres. Quand t'es jeune, tu le sais pas, mais quand tu le regardes plus vieux, que tu vois la Tokyo Tower des fois en arrière, c'est là que tu te poses des questions. C'est là, c'est vrai, cette affaire-là, man. Moi, ce qui me faisait, comme, quand j'étais jeune, tu sais, genre, tu te rends compte que Calice, la ville, elle se fait détruire à chaque épisode. Oui. Ils ont le temps de reconstruire tout. Puis les Power Rangers, habituellement, ils savent, le monde ne savent pas qu'il existe. Mais il y a un robot géant à chaque épisode. Ah, oui, non, c'est la dernière. Ça n'existe pas. Bim, la dernière fenêtre dans le building. Non. Bon, il est réparé, il regarde une grosse ombre. Oh non, pas encore une combat de robot. Non, chez nous, c'est moi. Les compagnies. Quoi, il y a un bouton de auto-repair pour les buildings? Bon. La ville d'Angel Grove, parce que oui, je me suis quand même instruit sur la chose, en quelqu'un qui travaille pour la mairie, bon, le McDo sur la 37e, puis la principale est détruite. Basel Repair, oui monsieur. J'ai un employé du Death Star qui vient de faire les réparations. On va être riche, eux autres, en vrai. Moi, j'étais très, très remarqueux quand j'étais jeune, puis je voyais tout le temps que, ah, Angel Grove, il y a une population grandissante d'Asiatiques. Parce que stop motion, c'est tout genre des Asiatiques que tu voyais courir dans la rue, tu sais, t'es comme, ah, il y a beaucoup d'Asiatiques, tu sais. Mais c'est la même recette à chaque fois, tu sais, je trouvais poche, ouais. Les combats contre les gens de, je me souviens plus c'est quoi leur nom, les gnolls, là, les affaires en roche, qui se battaient tout le temps dans une carrière. Ah, les Putty Patrol. Chaque fois, man, c'est dans une carrière, c'est pas une forêt ou un parc. Non, une carrière. Tout le temps. Tout le temps, c'est comme, je vais aller me promener dans une carrière. Oh, le gars, il me saute dessus puis il me kidnappe avec son saut en spandex. Je viens de repenser à ça. En tout cas, j'ai parlé de Tortue Ninja tantôt. Vous savez qu'il y avait eu un épisode Power Rangers et Tortue Ninja? Oui. Oui. Et ouais. Ils ont rajouté pour justement cet épisode-là une cinquième Tortue Ninja qui était non, une fille. Non, faux. Elle était déjà présente dans la série live des Tortue Ninja. Ok, l'espèce de troisième, si tu veux, troisième génération, whatever que tu appelais ça, pour enfants, c'était Vénus et... Avec Vénus c'était, de Milo. C'était affreux. Ah, elle était magicienne, tu sais. Moi, je l'ai découvert comme là-dedans. Dude Ex Machina! Comme le robot des Power Rangers. Dude Ex Machina! Pas besoin d'explication! Ça se passe comme ça. Il pète-tu à gueule à la fin de la saison? Comment? Non, parce que t'as Lord Zedd qui arrive, pis qui, genre, il la met comme à part, pis là. Oui, c'est vrai, oui. À la fin de la première saison? À la fin de la première saison, ou ben, c'est le début de la deuxième saison. Je pense que c'est le début de la deuxième saison. Je sais plus. Où tu vois Lord Zedd arriver, que j'avoue qu'il est un méchant qui est impressionnant. Ben, faut que je check ça, là. Je m'en souviens plus de Lord Zedd. Pis moi, j'ai une Lord Zedd, il est badass. Il est assez badass, tu sais, je veux dire. Est-ce qu'on peut dire une espèce de humpo avec une tête de mort extraterrestre? Ouais, moi je dirais plus c'était comme un corps pas de peau, tu sais, avec des muscles, puis un masque avec une visière, tu sais. Ben, on le voit dans le film, je pense. Ah oui, il est rouge là, c'est ça, j'en ai. Ouais, c'est lui le rouge. Et c'est l'amoureux de Rita. Oh. Ah, mais ça c'est plus tard parce qu'il y avait des lobbyistes qui disaient que ça se pouvait pas que la traîne à côté. Là. Lui, il a l'air d'être de taille pour se battre. On s'entend que les autres helpers de Rita valaient pas de la merde. Là. Il y avait comme le petit bonhomme il y avait le petit bonhomme qui modelait, il y avait le grand mauve qui était comme genre C3PO du monde de mutants, là, qui ouais. faisait rien. T'avais l'autre qui était son bodyguard, mais qui s'est battu, je pense, une fois, le gars avec une épée. Là, Goldar s'est battu une couple de fois, me semble. C'est battu une couple de fois, mais Chris qui est fag, excusez-moi. Ben, il était badass, son armure était hot, man. Ouais. Moi, les costumes, j'ai trouvé hot. C'est ça que je trouvais le fun avec ça. C'est... Ouais, c'est ça. J'étais très curieux de voir c'est quoi le monstre. Puis je me souviens qu'après avoir vu les épisodes, le lendemain ou dans cette semaine-là, à l'école, on se battait. Puis en gang, ben là, on savait c'est quoi, mettons, les 3-4 powers qu'il y avait, tu sais, le laser, le coup d'épée. Fait que là, on se pognait en gang, puis un faisait le monstre, puis les autres faisaient les Power Rangers. Puis on se battait dans le cours de récré pendant 15 minutes, là. Puis on réglait jamais le combat, là. C'est que ça. Moi, j'ai une petite question pour les viewers, justement. Je sais que j'avais entendu parler qu'il y avait eu un spécial Power Rangers où qui réunissait toutes les Power Rangers, oui. Puis ils se battaient tous ensemble. Ça, ça va, Moi, je connais un épisode où c'est seulement les Red Rangers qui sont ensemble. Ça s'appelle Forever Red. Ça, j'ai pas remarqué, mais j'avais vu qu'il y avait la plupart des Power Rangers contre les... Je sais qu'il y avait des pirates Power Rangers, c'était un autre qu'on avait oublié. Puis je sais qu'il y avait une méchante gang qui se battait, puis il y en a un qui c'était comme des clones de l'autre, puis ça faisait une grosse guerre épique, là. J'ai vu rien que des scènes de ça, là. C'était des derniers épisodes des dernières saisons, parce que moi, le seul épisode que je me rappelle d'avoir écouté, parce qu'à un moment donné, je voyais... Red Ranger partout, genre, tu voyais vraiment que les Red Rangers, genre, depuis 10 ans, qui sont tous réunis ensemble pour faire un combat. Mais je sais que c'était une affaire anniversaire Power Rangers, c'est tout ce que je me rappelle. Puis j'ai vu des scènes, puis c'est ça, pour ceux qui, les viewers qui connaissent, qui l'ont pu l'envoyer, là. Mm-hmm. Ok. Parlant des Rangers, lequel pour vous, c'est celui qui vous a le plus marqué? Le blanc. C'est le non, blanc, on voit que c'est le plus jeune. On voit, c'est notre plus jeune. Le bleu, parce que Triceratops, man. Triceratops Rose. Le blanc, parce qu'il est venu sur à quel point il était le héros anti-héros pour venir à héros pour venir anti-héros. Ouais. Moi, c'était Rita. You lost me. Toi, c'était Rita, JP. Ah non, sorry. Tu sais, le gros robot là, qui avait un chapeau de samouraï, Zorg, là, c'était ça, là? Le robot là, qui, en tout cas, qui était dans la base avec le... Alpha 5! Alpha 5, oui! Non, non, mais pour de vrai, je sais pas, là, ils avaient tout de quoi, man. Moi, j'étais plus nerd, fait que je m'associais au bleu, puis... sinon, le leader, il était là, qui voulait pas être le leader? Jason. Le chef, ouais, Jason, le rouge badass, puis... c'était hot. Mais là, tout le monde se battait pour ça. J'ai comment qu'il prenait le rouge, je vais prendre le bleu. Le bleu, d'abord. Joe? Le bleu, comme j'ai dit, Triceratops for the win, man. Triceratops. Moi, j'irais avec Tommy Oliver, le green. Le vert, pour moi, c'était... Comment qu'il était badass? Comme disait Antithèse, là, il était badass, lui. Tu sais, oui, au début, il est méchant. Ben mais quand il vient de son quand il vient gentil pis qu'il a son propre robot pis qu'il torche le cul à peu près tout le monde, il est capable de torcher une équipe de Power Rangers à lui tout seul. Ben c'est un petit peu ça aussi le problème, ça, sur certains points ça diminue un peu aussi de l'impact de tes personnages, non? Ouais. Ouais, mais dans un sens, ça fait en sorte que t'as un héros que tout le monde aime en tant que tel aussi, là, tu sais. Oui, t'as plusieurs petites personnalités différentes. Chacun peut aimer son Power Rangers. Mais quand t'as un Green Ranger qui rentre dans la gang, qui fait sa différence, ça paraît. Non, non, il était différent, c'est sûr. Mm. Côté vilain, lequel que vous vous rappelez qui vous a le plus marqué? Vita Repulsa, ta voix était trop fatigante. Et qui? Lequel? Vita Repulsa. Rita, à cause de sa voix. No, I got a headache. Well, okay then. No love for you, honey. Ah, tu me fais penser, c'est vrai, man. Je me souviens plus des noms des vilains. Ils avaient toutes comme des attaques quand ils étaient en forme normale. Puis ils devenaient gigantesques. Puis ils avaient genre les mêmes formes d'attaque, mais au ralenti. Ils sont plus lents. Mais. Mais c'était tout hot, j'avais toutes des attaques melee, c'est tout le temps la même recette d'un combat. Mais je dois dire que le bodyguard de la fille, je sais pas c'est quoi le nom que vous dites, le lion, Goldar. Il était hot. Son armure était super hot, puis en plus il avait des ailes avec une méga grosse épée. Mais je pense que tous les monstres étaient hot, à part une fois il y a eu un genre d'œil ou un monstre en œil, je sais pas trop quoi. Là, ça m'a traumatisé, c'était il était poche. Puis il pitchait ses yeux. Je vais dire Dr. Ooze. C'est ça? Ah, oh, du film. Ivan Ooze. Ah, il a quasiment réussi sa shot. Oh, ouais. Beau, tu t'en souviens, man? Oh, oui, monsieur. Avec sa glu verte, là? Ouais, sinon sa glu mauve qui contrôlait le monde. Oui, mauve, c'est vrai. Sa glu mauve qui contrôlait le monde. Hey, il a quasiment réussi sa shot. Il y en a-tu un qui était pas du blanc? Hein? Oui, il perd à cause d'un coup de genou d'un coup de robot. Sur un bouton spécial qu'il faut que tu brises une vitre pour pouvoir le faire. Ça, c'est épique. Le système immunitaire du robot, il est entre les jambes, man. Système de survie. Le destruct button. Moi, je dirais, il y en a un qui est dans la première saison. C'est une tortue avec des pics qui me faisait penser un petit peu au personnage d'un tortue ninja. Ça m'a dit de quoi? Sauf qu'il y avait une lumière de char en haut avec trois couleurs, tu sais, genre rouge, jaune, vert, puis chaque couleur avait son propre pouvoir. Hein? Tu sais, mettons, il y avait une lumière verte, ben la personne n'était plus capable d'arrêter, il fallait qu'elle court tout le temps. La lumière rouge, elle gilait. C'était vraiment... Je c'était la rose qui était pognée, elle va se battre tout seul à l'arc contre lui, si je me rappelle. Non, la jaune était pognée avec la verte, elle était obligée d'aller courir pour aller chercher une fleur, tandis que le rouge, genre, il avait gelé la moitié du monde, puis il restait juste, genre, le Ranger rouge puis le Ranger vert ensemble pour l'affronter. Ah, je me rappelle, c'est que c'était... Oh my god. Il parle Rangers maintenant, qui fait du porn ou quelque chose comme ça? Hein? Non, pas quoi? Comment... Non, mais viens pas scraper notre enfant, s'il te plaît. Non, mais okay, la porn pour toi, on appelle ça la règle 34. C'est quoi ça? La règle 34? T'as pas encore la 34 cherchez ça. En dehors, OK, Internet, la règle 34, c'est une règle sur Internet qui dit que si quelque chose existe sur Internet, tu vas avoir de la porn pour. Fait que si tu vas sur Google, tu fais règle 34 en anglais avec quelque chose à côté, tu vas définitivement trouver de la porn de ça. Fait que si t'écris genre chaise, si t'écris Pokémon, si t'écris Monster, whatever que tu cherches, je l'ai testé la règle. Elle j'ai existe. J'ai écrit rule 34 puis j'ai deux at qui s'enculent. Et voilà. Fait que tu feras tes tests à soir là, avant de te coucher. Rule 34. Puis non, c'est... essaye. Je m'en passer. C'est disturbing. Le plus disturbing que j'ai vu, c'est de la porn de Dito. Ah, mais. Les accords des jeux se dissocient des propos de Jonathan. Et de son style de vie étrange. Et de la. Et de qu'est-ce qu'il va faire Arcade ce soir, ça aussi. Execute Order 34. En fond, Ben, si tu invoques la colère de John Varpal, peut-être que tu feras partie de Rule 34. Caca! Caca! T'as un peu pour le caca, il faut que je prenne le truc qui va avec. Continuez. Bon, OK. On va essayer d'oublier ce moment-là. Je pense que c'était un délire. Tu le couperas au montage. Non, je pense pas qu'on va le garder. Tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous un jour. En tout cas, c'est pas à moi. Hein? Côté robots. Les robots. Vous en souvenez-vous? Qu'est-ce que vous avez aimé des robots de l'époque? Triceratops, man. Ah, mais les robots, ils font quelque chose tout seul. Est-ce qu'ils ont déjà utilisé leur robot avant de se métamorphoser pour faire quelque chose? Dans le film. Le rouge. Okay, pas dans le film, la série. Non. Non, il n'y a rien fait, là. C'est comme, laisse-moi dire mon robot. Mais là-bas, contre les méchants, Rita envoie son super méga de 1000 pieds de haut. Fuck! Il faut avoir le robot! C'est vrai. Moi, pourquoi je me suis demandé pourquoi ils ne startent pas avec le robot en partant. Ils l'écrasent, c'est tout. Non, mais ça prend toute leur force. Il faut qu'ils prennent leur perte de bas comme thérapeute. Ça peut pas être trop fort d'être en partant, voyons donc. Bon, mais juste pour répondre à la question de JP, il y a quelques épisodes où tu vois le Ranger Rouge arriver seulement avec le Tyrannosaurus Rex pour le combat. Il l'utilise tout seul. Puis des fois, t'as le Dragonzord du vert qui vient attaquer tout seul. Ouais. Parce qu'il torche tout le monde, là, on s'entend. Ouais. C'est mettons même... dans les cinq originaux, tu sais, dans le bleu, jaune, noir, rouge, jaune. Rose. Rose, oui, Rose. Mais dans le fond, il faisait rien. Il y avait le combat contre les bonhommes en roche. Mm-hmm. Le combat humain. Là, après ça, il est trop fort. Là, après ça, il appelle le robot. L'autre, tu fais grandir avec la staff. Puis là, ils détruisent la métropole. C'est ça. Fait que c'était ça. Fait qu'il n'y avait jamais rien que les robots, dans le fond. C'est ça qui était plat. Présentement, vous venez d'écouter à peu près 21 saisons de Power Rangers. Non, mais le footage là, des robots quand ils s'en venaient, c'est que ça avait l'air vieux, mais on dirait que c'était genre 1960. Là. Ben, c'est ça. Ça datait des années 80, tous ces combats-là. La série datait des années 80 au Japon. Donc, quand ils l'ont amené ici, c'est sûr que tu avais une qualité d'image que tu n'avais pas en 90. Mais il y avait une toune qui te primait quand tu étais kid, tu entendais ça. Go, go, là, tu vois les robots. Oh, yeah! Toutes les affaires se formaient. Là, et comme, Chris, ils sont où dans le robot? Dans le fond, ils sont tous dans la tête, dans la visière, là, tu le vois, dans une épisode. Dans le chest, des fois dans le chest. Ouais, ils sont dans le chest, ça dépend de la version du robot. Ouais, ok. Joe, enlève ton masque parce qu'on a la misère à t'entendre. Oh, coco. Puis, une autre affaire que, justement, tu parlais de la scène. Ta scène, quand tu parles de transformation, qui était full hot, le robot était badass. Deux secondes après, ben, tu vois que c'est un humain, c'est un gars qui est déguisé en robot pour sa base. Le robot, il est carré, mais les mains sont super malléables, c'est comme des gants blancs, là. Pourquoi? En plus, le robot, il se déplace fucking facilement, tu sais, c'est trop comme mobile comme robot, tu sais. Ils se disent pas on va se battre dans l'eau, non, c'est fuck that, on se bat direct ici parce que la population est de 3 milliards de personnes. Ouais, en plus, décolle, c'est dommage collatéraux, man. Vous remarquez que dès qu'ils se transforment, la ville est déserte. Ils ont déjà évacué. Parce que dans le fond, c'est une ville fantôme, c'est juste là qu'ils se battent contre les monstres, man. un spot dédié à ça. C'est vrai, en plus, même le robot était pas capable de les battre, hein. Il fallait qu'il aille chercher son épée. Mm-hmm. Des fois, il fait qu'il y ait le robot et le verre qui s'allient ensemble. Ouais. Des fois, t'avais même qu'il fallait qu'il colle un troisième robot qui était une affaire de brachiosaure, genre. Il fallait qu'il insère le Megazord dedans pour faire un jet hyper puissant. Tu sais, genre, acheter des bébelles. Ouais. Ça, ben, comme dans la nouvelle série, les Super Samouraïs, que ils ont refait un peu comme le verre, c'est un Power Rangers Gold, qui a son propre robot lui aussi, qui finalement, il peut faire une transformation qui donne un gros canon DCA en face, qui tire un laser de malade, pour pouvoir tuer le monstre. Ça, j'avoue que mon petit cœur d'enfer repogne à chaque fois encore que je vois ça, mais je trouve ça, ils en font, là, maintenant, c'est des armes à plus finir, là. Non, moi, ce qui m'inquiète le plus, Shadow, c'est que t'écoutes ça encore à ton âge. C'est quoi? C'est drôle! C'est drôle à regarder! Pour finir, est-ce que vous gardez quand même un bon souvenir de cette série-là ou sinon... Ben oui, si on t'en parle, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Je suis là pendant 2 heures pour t'en parler. Là. Je vois ça. Est-ce que vous avez des produits dégueux chez vous? Non. Il faudrait, hein? J'avais les masques, des casques, des sortes de masques d'Halloween il y a une couple d'années, mais je les ai plus, là. J'avais la cassette Super Nintendo, là, une couple d'années. Ah oui! Je l'ai plus! C'était tellement bon, en plus, comme jeu. Il était tough. Lequel, le Versus ou l'autre, là? Pas le Versus, c'était de la merde, ça. Je parle de l'aventure. Le beat'em up, ouais. Ah, le beat'em up était cool, hein. La musique était bonne! Le Final Boss, en plus, il donnait un bon challenge, là. Ouais. Moi, j'ai les deux jeux sur Genesis. Donc, t'as le premier qui est un beat'em, un versus, là, un jeu de baston. Ouais. Pas pire! Pour un jeu qui est justement 3 boutons d'attaque, il est bon. C'est ça que j'ai fait comme commentaire. C'est, par contre, Power Rangers a su. A quand même permis de sortir des bons petits jeux. Mm-hmm. Oui, puis moi, celui que je recommande sur Sega Genesis, c'est The Movie, qui est excellent. C'est un excellent beat'em all. Il est meilleur que le film lui-même. Hein? Le jeu est meilleur que le film lui-même. Chris, oui. Puis, genre, tu peux encore le pogner pour 10$ là, sur Genesis, puis tu peux jouer à deux. C'est comme si tu joues à Street of Rage, sauf qu'avec des Power Rangers, puis t'as des combats de robots. T'as rien demandé mieux, tu sais. Je l'ai trouvé vraiment cool, ce jeu-là. Mais sinon, j'ai rien eu d'autre étant jeune. J'ai pas eu les jouets, j'ai pas eu les armes. Moi, j'aurais aimé avoir la dagger du Green Ranger. Je pense que j'étais trop vieux pour des jouets. J'étais pas comme un peu assez vieux pour l'écouter, mais pour acheter des jouets, j'étais un petit peu trop... je pense un petit peu trop vieux, même, pour ça. Moi, j'avais 9 ans, 10 ans quand j'écoutais ça, fait que j'étais encore dans le public cible. Non, c'est ça, j'étais un petit peu, juste un petit peu plus vieux que ça, mais c'est pas que ça me tentait pas, là, c'est juste que ça, là, c'est... Tu veux pas que tes chums te remarquent? Oui! 20 ans plus tard, je participe à un podcast là-dessus. Non, mais c'était... Je sais pas, là, c'était... Les bonhommes, c'était hot, les figurines, les monstres, mais... Je sais pas, je pense que c'était juste borderline que je n'achetais juste plus. Mais c'est cool pareil. Effectivement. Je pense que là-dessus, on va se quitter. Moi, j'ai une petite affaire que je voulais remercier. Zero Lag Gaming, qui est en live présentement, que pendant son live, il a mis le podcast des accros sur un coin de son écran pour que le monde puisse l'écouter aussi. Tout en jouant à Castlevania Lord of Shadow 2. Merci. Merci beaucoup. Alors, un petit chat, monsieur. On va commencer avec Shadow. Comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter sur ma chaîne YouTube sur Shadowzone Game et on peut me contacter aussi sur Facebook sur le même nom. Puis aussi, on peut me rejoindre sur le forum des accros des jeux. J'y vais à chaque jour. Vous pouvez toujours me contacter. Joe, ton côté, comment on peut te contacter? Premièrement, vous pouvez me contacter sur le forum des accros des jeux. J'y vais faire mon tour à tous les jours, donc n'hésitez pas à venir m'écrire. Mon nom est John Vorpal, donc je vais me faire un plaisir de vous répondre. Sinon, j'ai ma page Facebook à l'Antre du Geek. Justement, il y a un petit concours, fait qu'allez-y avant que ça finisse. On fait tirer une copie du jeu Thief qui vient de sortir aujourd'hui. Donc, sinon, il y a le site web de l'Antre du Geek aussi sur lequel vous pouvez aller, l'antredugeek.com. Arcade Retro, comment on peut te contacter sur les internets? Oui, on peut connecter sur les internets grâce à Facebook, Arcade Retro, avec, vous allez voir le petit logo Arcade Retro, hein, faites pas vous gêner, venez liker, vous inscrire, vous suscrire, tout ça. Sur YouTube aussi, Arcade Retro 83, ce que vous pouvez trouver toutes les vidéos. Et pour avoir tous les liens, ben, accrodesjeux.com, sur le profil et les forums, vous allez avoir les liens pour me rejoindre ben, partout, partout. Partout. Oh, j'aime ça. Il y a un petit malaise. Hein? Pourquoi un malaise? Non, mais ça devrait même pas exister les malaises, bordel. Ben, pas partout, là. Mais c'est sur Facebook, puis sur les écrans, puis sur YouTube, là. C'est assez. Bon. Twitter! As-tu un Twitter? Non, pas le temps de Twitter, man. Ok, c'est bon. Ok, bye! Je pense que le son devait être coupé. Ben, est-ce que tu nous entends? Non, on t'entend oui. Plus. Est-ce que tu m'entends? Là, oui. Là, on t'entend. Ok. Yeah. Antithèse, comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par courriel à antythese@yahoo.ca ou gmail.com. Encore une fois, ils ont tapé sur Antithèse Seg pour me trouver sur YouTube. Sinon, la meilleure façon de me contacter et comme vous le savez sûrement, mes collègues à des accros des jeux également, il y a accrosdesjeux.com et inscrivez-vous sur le forum pour partir des conversations et des discussions de la mort et de la vie sur les jeux vidéo. Et là, on vient encore de perdre Ben. Ouais. Oh! Caroline, je pèse tout le temps sur le piton pour me muter. Bon, tu essaies de me muter, bravo! Bravo! Non, je m'auto-mute moi-même. Alors, si vous voulez me contacter, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Tout d'abord, il y a le forum des accros des jeux sur le site internet des accros des jeux, accrosdesjeux.com. Vous pouvez également venir sur le Facebook des accros, facebook.com/accrosdesjeux. On poste d'habitude la plupart des vidéos et des articles qui sont postés sur le site internet, donc un petit lien rapide pour pouvoir vous nous voir. Il y a également le Twitter des accros des jeux, @commercialaccrosdesjeux, c'est moi qui s'en occupe. Et il y a également les courriels des accros des jeux, accrosdesjeux@commercialgmail.com. Et oui, puis je vais vous dire qui m'écrit cette semaine pour me dire comme quoi qui aime les accros des jeux. Et j'ai ici Folimi France, Lisa, qui m'envoie une vente flash chaussure à moins 50% de rabais. Qui me dit... Alors, ça a l'air que j'adore les chaussures pour femmes, je sais pas pourquoi. Les suites Power Rangers? Ah non, pas même pas, c'est ça le pire. Des petites bottes, des belles petites bottes pointues à talons hauts, bon chanceux! Non, ça je laisse ça pour Arcade Retro, pour ses activités nocturnes sur Agmarek 43. Moi, faut que je me déguise en lutteur, c'est juste ça, si je suis pas en lutteur, ça marche pas. Mais... Hey, donc, mais si vous voulez vraiment m'envoyer un vrai courriel, vous pouvez passer vers acrodesjeux@commercialgmail.com et ça va me faire un plaisir de vous recontacter. J'aimerais remercier Parlons Balado qui quotidiennement partage les podcasts des accros des jeux. Merci beaucoup à Parlons Balado. C'est un collègue de YouTuber un collègue podcasteur qui a parti d'un podcast qui s'appelle Parlons Balado. Donc, il est disponible sur iTunes. Si vous jamais vous cherchez un bon podcast qui parle de podcast, allez chercher Ballon Balado. Et j'aimerais également remercier tout d'abord mes collègues d'avoir participé avec moi à ce podcast ce soir. Ça fait plaisir, Ben. Soyez avec nous la semaine prochaine, car on va faire un spécial sur les personnages féminins du monde du jeu vidéo. Alors, d'ici là, c'était le Big Ben. Hey, attends, on peut aussi la toune? Faut chanter la toune. Quelle toune? Go, go, Power Rangers! Go, go, Power Rangers! Alors, j'ai coupé Joe, ça a marché. J'aime comment, genre, tu dis que je suis tout le monde. Non, juste pour vous dire, mais si vous avez encore resté après ce élan de chant, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast des accros. Soyez avec nous la semaine prochaine. D'ici là, c'était le Big Ben. Antithèse. Shadow QC. Come on, guys. On avait réussi l'intro! Puis là, vous venez de scraper la conclusion, n'est-ce pas? Ouais, on recommence. C'était le Big Ben. C'était Antithèse. Arcade Rétro. Shadow QC. Joe. Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.